Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce... c'est bien le numéro 61? Ouais. Bienvenue pour ce 61e numéro du podcast du collectionneur. Lancement presque réussi. Ou totalement raté au choix. Non, presque réussi, presque à l'heure. Et ce soir, déjà bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir les gens. Voilà. Bienvenue, welcome. Bienvenue sur le podcast du collectionneur, le podcast des passionnés. Vous n'êtes pas obligé de prêter allégeance pour l'écouter, non. School of Insight. Et donc, sur le coup, ce soir, on va parler des adaptations et des traductions des jeux vidéo depuis la création des jeux vidéo jusqu'à aujourd'hui, ou comment est-ce qu'on est passé donc d'œuvres japonaises, anglaises la plupart du temps, et comment est-ce qu'on a fini par avoir un jour des jeux traduits, et est-ce que c'était toujours bien fait, tout ce genre de choses, blablabla. Et pour ceci, cela, il se trouve que nous allons avoir un invité, un surprise, mystère. Bonsoir à tous. Eh oui, vous l'avez reconnu, c'est Mousse Diouf. Oh, dis donc. Que d'émotion. C'est terrible. Non, c'est Hybrinator, voilà. Monsieur Hybrinator. Oui. Bah, présente-toi, Monsieur Hybrinator. Voilà, présentez-vous. Qui êtes-vous? Vos papiers, s'il vous plaît. Donc, j'ai 34 ans. Disons que j'ai découvert les jeux avec Arkanoid sur Amstrad CPC. Quand même, c'est vieux. Grâce à ma sœur, des bisous. Et puis ensuite, bon, je vais passer un peu mon historique console parce qu'on en a pour la soirée. Mais ensuite, à la base, je voulais être programmeur, mais finalement, j'ai décidé de m'orienter vers la trad. Et de ce fait-là, ça fait un peu plus de 10 ans, je fais des traductions, notamment dans le jeu vidéo, mais pas seulement. Ces dernières années, j'ai fait beaucoup de traductions techniques aussi. Un peu moins de jeux vidéo pour, disons, des raisons personnelles pour faire court. Okay, tu veux dire que t'es là et par le plus heureux des hasards, il se trouve que ton métier c'est d'être traducteur. Ouais, c'est... c'est génial. Non, mais franchement, c'est pas mal quand même. Hein. C'est ouf. Les gens pourraient croire qu'on en a fait exprès. Putain. Bah, ils pourraient. Non, mais on fait jamais exprès, on prépare jamais rien. Je sais même pas pourquoi je suis là. Basique a raison. Mais en plus, on avait prévu ce sujet depuis un petit mois. Et puis, en fait, on s'est réveillé hier en disant ah, tiens. Franchement, il n'y a pas à dire, on est vraiment très fort. Ah, en parlant de nouveautés, vous pourrez constater, donc surtout Jean de la VOD, hein, j'ai essayé de foutre le chat sur le stream, voilà. Donc, j'ai fait un peu au chausse-pied, mais c'est pas grave. Comme ça, vous verrez les conneries des gens. Voilà. Oui. Et les questions des gens aussi. Le podcast évolue. Voilà. Vers une formule un peu plus moderne. Twitter est en train de, comment dire, de décéder. Donc on s'en fout, Twitter, il nous écoute pas là en ce moment. Donc. C'est pas bien grave. Et donc, une fois qu'on aura parlé de la traduction des jeux vidéo, il se trouve que ce soir, c'est le soir pour lequel vous avez envie d'être là, de rester jusqu'au bout de la nuit avec nous, puisque, oui, c'est l'inénarrable Petite Pelle qui nous présentera un jeu. Oui, non, mais attendez, moi je pense que quand c'est Pelle qui présente un jeu, il va falloir un jingle spécial. Oh non. Oh oui. Le et toi tu pues alors. Non, mais moi j'imagine bien le commentateur de l'UFC, Bruce Buffer, tu vois, qui fait l'introduction. Genre dans le coin gauche, il affiche 200 ans et voilà. T'es gentil. Après, voilà. On va essayer de bricoler quelque chose. Moi je veux un jingle Pelle, mais à l'automaton. C'est tout pour c'est le ça. Moment. Qui reprendrait le thème des sales blagues de l'écho à l'automaton. Moi, je suis d'accord. Non, mais tu sais qu'il n'y a personne qui connaît 8 mains. Mais je ça comme ça, moi. Mais passons. On a des news, je crois. Si, on va passer aux news. Et donc, on va commencer avec la news habituelle du podcast, à savoir le décès d'un compositeur de musique, de jeux vidéo. Faut arrêter ça par contre, hein, les compositeurs. Hein, vous êtes et chiant. Et donc hein. Ce coup-ci, c'est Steve Anyfin qui nous quitte. Compositeur sur Eternal Darkness, notamment. Ouais, quand même. Sur GameCube. Alors ce jeu avait pas fait une grande impression dans la presse à l'époque, j'ai l'impression que c'était un jeu sympa sans plus. Par contre, beaucoup de joueurs en ont un excellent souvenir, parce que c'était un des jeux les plus... les plus sombres quand même de la Nintendo. C'est un jeu tiré de Lovecraft. Et c'est ce que j'allais dire, c'est un Lovecraft en fait. Donc voilà. Et Lovecraft, à l'époque, tout le monde s'en foutait. Maintenant, les gens commencent vraiment à le connaître et à le lire et à l'apprécier. Ouais, Lovecraft. À l'époque, c'était pas le cas. Il y a eu aussi un jeu Cthulhu sur Xbox à l'époque qui était sorti. Ouais. Mais Eternal Darkness, il était bien, il avait de bonnes idées. C'était un jeu qui était assez sympa, qui était bien dans son la temps. La connexion de sauvegarde, je m'en suis jamais remis. Après, il y a d'autres jeux. Ceux qui ont joué s'en rappellent. D'autres jeux plus anciens comme Shadow of the Comet ou Prisoner of Ice ou bah, même Alone in the Dark qui était enfin, le premier qui était basé sur Lovecraft aussi. Et il y avait même. Totalement. Donc, comment il s'appelle le tout premier jeu de la Neo Geo Hibernator. C'est lui qui a un chapeau, le Magician Lord. Magician Lord. En fait, reprenait des univers de Lovecraft dans les monstres, le bestiaire et dans la narration. C'est vrai que le deuxième niveau, il me semble en particulier, était bien inspiré. Ça a été avoué par les créateurs. Ils ont vraiment fait une inspiration de Lovecraft. Pour leur jeu. Le monsieur avait quand même bossé aussi sur Blood Omen, Legacy of Kain, et certaines pistes aussi de Cool Spot. Donc pour ceux qui Il avait aussi sur Blood Omen qui était très. Et pour les plus jeunes, Ground Zeroes, c'est lui. Mais Blood Omen, Legacy of Kain. Metal Gear Ground Zeroes, c'est lui aussi. Il est fantastique. Hein, ah oui, bien sûr. Donc, paix à ton âme, monsieur. Voilà, merci et adieu. Et comme on dit souvent, on espère que dans 15 jours, on n'aura pas encore un autre décès à vous annoncer. Hein, parce que ouais, bah alors là, t'as tous les compositeurs des années 90 qui sont en flip total. Ils se demandent qui sera le prochain. C'est terrible. Ah non. Hein. Il faut respecter les traditions quand même. S'il y a plus je de sais ce que tu vas dire, moi. Je sais ce que tu vas dire, moi, en plus. Je sais à qui tu penses. Ah oui, non. Moi, je. Ouais. Moi, je dirais pas parce que je vais pas porter la place. Non, faut pas. Non, mais non, mais de toute façon, voilà. J'ai son âme et passons à quelque chose de plus joyeux que je ne sais pas quoi. Ouais. Donc, passons à la suite des news. Et alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Tiens, par exemple, de Tortue Ninja. Et Tortue Janine. Belle, tu nous as mis une petite news concernant Tortue Ninja. Oui, alors les Tortues Ninja, il me semble que c'est un fan game. Hein. Effectivement. Qui a été réalisé par des gros fans de la licence. Et ils ont donc réalisé un beat'em all avec plus de 60 personnages jouables. Et ça a l'air vraiment bien, bien foutu. Hein. Graphiquement, c'est très propre. Tous les personnages... Alors, c'est surtout des personnages tirés de la licence animée. Hein. On reconnaît dans les designs les April O'Neil, les Bill Baxter, la mouche, tous ces personnages-là. Ou comment il s'appelait le hockeyeur là Casey Jones. Casey Jones, voilà, ils sont tous là et ils sont tous jouables. Donc du coup, vraiment le fan, il est aux anges hein, avec un petit jeu comme ça. Et puis donc, c'est techniquement, c'est pas le truc le plus extraordinaire, hein, mais c'est pas mal. C'est bien fait, ouais. Bien foutu quoi. Alors c'est complètement années 90, hein, c'est de la 2D pixel et tout, mais c'est vraiment joli. C'est vraiment joli. Ça aurait vraiment pu être un jeu d'époque. Le jeu que tous les fans auraient voulu avoir, même si Turtle in Time à l'époque était absolument génial. Oui. Voilà. Je vous ai mis le lien corporate JVC de PL dans le chat. C'est ça. Et du coup, on peut préciser que ce n'est pas un stream sponsorisé. Hein, Désolé. Celui de la Mega Drive était très bien aussi, on l'oublie souvent, mais souvent en Turtle in Time. Alors, Hyper Time Stone. Mais... qui était une variante du Turtle in Time et qui avait des trucs vraiment bien, oui. Ouais, mais il est mieux sur Super NES. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Non. Je réagis même pas et toi tu. Quoi donc ? Ensuite, petite news de nos amis. Pourquoi je dis ça moi ? Donc, de Limited Run qui a décidé. De faire des éditions limitées. Oui, merci. Ce coup-ci, on parle de reproduction physique de jeux NES, Game Boy, des jeux Star Wars. Ah. Tu as dit Star Wars, hein. On est d'accord. Star Wars. C'est Star Wars. W-A-R-C-E. Star Wars. Se moquerait-on de mon accent ? Non. Non, moi je me moque juste de toi. Hein. Après, l'accent et tout, ça c'est un package, mais c'est juste toi. Très bien. Eh bien oui, moi je viens du sud, monsieur. Et donc, voilà, The Limited Run nous sort des jolies cartouches. Dans un bel... Alors, ce packaging, je ne sais pas si vous avez compris d'où il vient. Mm-hmm. Il vient de la première série de figurines de la oui. Marvel, je crois. Kenner. Ouais. Alors, c'est le packaging, justement, la boîte, c'est ce que je dirais, très très joli, mais le jeu en lui-même, c'est celui qui était sur NES à l'époque, ouais. Quoi, c'est le même. Oui, et pour Game Boy, c'est pareil, mais oui, après, ils ont repris l'emballage d'époque des jeux, des figurines Kenner, c'est pour ça aussi. Que... Ouais. Mais le jeu était tard, hein. Et le jeu était pas mal, hein, sur NES en plus, hein. C'était vraiment cool. Joker. Oui, le jeu NES était relativement correct. Sa suite aussi est plutôt cool. Empire Climber Strikes Back. On a tendance à oublier. Donc 3000 exemplaires pour la NES, la Game Boy. Je pense que c'est sensiblement la même chose. Ah bah Limited Run après. Hein, c'est. Voilà, mais c'est ça. Hein. Après, pour le coup, c'est encore plus particulier. C'est du Star Wars. Donc on sait que les codes sont jetés dessus. Hein. C'est encore plus particulier. C'est un jeu qui est absolument pas coté. Je me trompe, non? Non, pas des masses, ouais. Ça, c'est un... Mais c'est pour ça que j'ai parlé d'Empire Strikes Back. Empire Strikes Back, qui est beaucoup plus coté. Bah ben ouais. Donc, ils en profitent aussi pour ressortir Bounty Hunter sur PS4. En boîte et tout. Et là, comme c'est marqué sur leur annonce, c'est que la première et deuxième sortie sur 6. Donc, avec Bounty Hunter qui est la troisième, il y a encore 3 sorties, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mm-hmm. Donc restez connectés pour savoir, mais bon, pour tous ceux qui aiment Star Wars et les éditions collector, allez voir Limited Run et bon courage. Et soit dit en passant, donc, nous n'avons toujours pas de date pour la sortie du Metal Storm, dont il me semble qu'on avait déjà parlé. On a parlé. Ils vont rééditer Metal Storm NES avec une petite statuette et des goodies dedans et pas mal de choses. Où lui, par contre, pour moi, ça a beaucoup plus de sens parce que c'est un jeu qui est extrêmement onéreux à l'heure actuelle. Et je t'avoue, c'est même l'un des rares trucs que j'aurais été tenté de prendre chez Limited Run, mais le problème, c'est voilà. Il a été fait en partenariat avec Retrobit. Donc. Metal Storm, c'était pas IREM, non? Oui, c'était IREM. Ouais. C'était IREM, ouais. Bon, c'était IREM, pardon. Star Wars. Star Wars et IREM. Pardon. T'es pas chier, voilà. Bon, passons à l'autre news. Oui, alors, une news, Monsieur Chou. Commodore 64 revient. Là. Alors, après le C64 mini de l'an passé, c'est le fameux machin que tu sors de la boîte, ça ressemble à un Commodore, ça a le goût du Commodore si tu croques dedans, mais en fait, non. On va pas dire que ça a le goût de quoi. Voilà, je préfère pas le dire. L'essence, tout ça. Alors, par contre, on avait parlé il y a très longtemps, justement, pour moi, c'était un peu un scandale. Donc, il y a des gens qui avaient fait un Kickstarter pour un truc qui s'appelait The C64, mais n'ayant pas les moyens de terminer le financement du projet, ils ont sorti donc le The C64 Mini. Et maintenant, finalement, vu du fait qu'ils ont réussi à vendre leur modèle miniature, ils sortent maintenant une réplique conforme à l'original, taille réelle avec, il me semble, alors je suis pas sûr, va quand même falloir vérifier parce que ça sent un peu l'urine tout ça, un vrai clavier qui fonctionne, donc si vous voulez faire du basique sur un Commodore, sur un truc qui ressemble à un Commodore 64, potentiellement c'est possible, donc oui. Toujours 64 jeux à l'intérieur, les mêmes il me semble que dans le bidule mini, donc, pour en citer quelques-uns, le fameux El Famoso California Games, Boulder Dash, je suis pas fan de California Games. Par contre, un jeu que Boss dit qu'il aime bien, Attack of the Mutant Camels, l'attaque des chameaux. Bah oui, celui-là, je l'aime. C'est lancé le 5 décembre dans les boutiques. Alors attention, le tarif pique, 119€. Ou alors, si vous êtes malin, moi je vous suggère un truc, si vous avez un petit Raspberry Pi sous la main, vous achetez un Commodore 64 pour pièce. Alors attention, hein, il faut... quand même un truc qui fonctionne pas trop mal, et vous achetez une interface qui s'appelle le Keyra, ça écrit K-E-Y-R-A-H, et là, en fait, vous pouvez transformer votre Commodore 64 en un clavier USB, et là, voilà, vous foutez tous les jeux de la machine, et en plus de ça, sur le Keyra, il y a 2 ports DB9, où vous pouvez brancher votre joystick préféré dessus. ça marche nickel, c'est reconnu dans l'émulateur. Ah, comment il s'appelle ce truc? C'est pas Vice? Je crois que c'est Vice. Et voilà. Et puis après, bah, roule Pedro. Et le Kera, c'est aussi compatible, j'ai oublié de le dire, je le précise quand même. Donc Commodore 64, tous les modèles, le VIC 20, Commodore 128, 128D, Commodore 16, 116, Commodore Plus 4, et Amiga 1600, 1200 et le 600 aussi. Donc voilà, si jamais vous voulez un petit projet à faire soi-même, et si vous n'avez pas envie d'acheter le bidule qui vient de chez Koch, c'est Koch Media ou Core Media, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Core, je crois qu'on dit Core. Et Core, ouais. Et voilà. Ouais. Donc, voilà. Donc si jamais vous ne leur faites pas confiance et vous dites, voilà, moi je peux faire un truc mieux, voilà. Mais l'ancien modèle, il coûtait combien? Ah oui, 80 balles, 89 balles. Bah donc ouais, ils ont rajouté un clavier, ce que les gens leur avaient demandé, parce que les gens s'étaient plaints, bah, en disant, en fait, pourquoi il n'y a pas un vrai clavier en fait? Ce que j'ai sans doute mal expliqué, c'est que en fait, de base, c'était prévu comme ça. Ouais, mais ils n'avaient pas fait, les gens s'étaient plaints parce que le clavier ne marchait pas, c'est un faux clavier quoi. Mais comme ils n'ont pas eu de pognon, ils ont sorti une version mini sans le clavier. Bah, mais ouais, version mini qui s'est quand même vendue, parce que moi j'ai vu plein de gens que je connais qui l'ont pris. Ah bien sûr, oui. Après tu pouvais, attention, hein, il y avait toujours le basique dans la version mini, pouvais brancher un vrai clavier USB, mais bon. Bah après ça trouvera son public, hein, de la même manière oui, que le premier. Voilà. Après attention, hein, moi qui ai des Commodore 64 a pu savoir quoi en faire et qui ai justement modifié un C64 pour mettre justement le Kera. Amuse-toi à taper des lignes en basique avec le clavier. Ah non, mais là, ça s'adresse à ceux qui l'ont eu quand ils étaient plus jeunes. Et puis voilà. C'est vraiment un truc particulier, le Commodore 64. C'est ce que j'allais dire. Là, ça a vraiment un intérêt pour ceux qui veulent avoir un truc qui se rapproche de l'original. Et que voilà, ils n'ont pas trop envie de s'emmerder. Tu branches en USB et puis roule Pedro. Bon, voilà. Donc, ça sort le 5 décembre à un tarif quand même un peu... Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des systèmes comme le GoTech qui fonctionnent pour le Commodore 64? Parce que je connais ça pour l'Amiga et l'Amstrad, ouais. Mais pour le Commodore... Ça marche très bien. Alors maintenant, il existe un truc dont on avait parlé... Ah non, j'en avais pas parlé. J'avais fait une news, et à la dernière minute, j'avais dit non, finalement, on va pas le faire. Et donc, tu peux toujours acheter ce fameux lecteur, en fait, et normalement, en fait, tu devais payer un firmware qui s'appelle le HXC ou quelque chose, ou HCE, je sais plus. Mm-hmm. Et maintenant, il y a un firmware open source, en fait, pour toutes ces machines. Mais pour le C64, il existe en fait une cartouche. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais ouais, donc le GoTech, apparemment, c'est pas fonctionnel tout de suite dessus. D'accord. Je vais essayer de retrouver le nom, pire, je le mettrai dans le chat. Mm-hmm. Ok. Donc, fini avec cette news? Oui, totalement. Ouais. Donc, oui, je vais juste saluer dans le chat messieurs Debol et monsieur Ornoub qui nous rejoignent. Bonsoir, messieurs. Et alors, Sega n'est jamais à court d'idées quand il s'agit de gagner de l'argent. Dernière bonne idée en date, la vente de plastique à prix d'or. Ils ont vendu du carton à prix d'or, alors pourquoi c'est pas finalement. C'est ce que j'allais dire, on va se priver. Et bonsoir, monsieur Gorette. Pourquoi pas. Et donc je vous mets la petite news dans le chat, encore la petite news corporate. La petite news. Et donc Sega décide de sortir au Japon des reproductions mini de cartouches Mega Drive pour décorer sa Mega Drive mini. Donc au total on parle d'un pack de 22 cartouches miniatures vendues la bagatelle d'un peu plus de 200€ hors frais de port. Voilà, alors je voudrais dire un truc. Une Switch Lite, quoi, en gros. Ça, voilà. Oui, vas-y, dis un truc là-dessus. Eh ben, je suis pas content. Du prix. Ah oui, non, mais l'objet, des cartouches miniatures, en fait, elles sont vides, hein, c'est juste du plastique. Elles sont, je trouve que déjà, le design de base de des cartouches Mega Drive japonaises, franchement, je les trouve super belles, quoi. C'est vraiment beau, hein, les cartouches Jap, quoi. Et du coup, en tout petit comme ça, ouais, ça fait envie, parce que. Ça sert à rien, c'est du vide, mais c'est vraiment mignon. Mais à ce prix-là, c'est dommage. Mais je comprends pas le prix. Je comprends pas ce qui peut justifier ce prix, en fait. Je vois pas non plus. C'est dommage. Parfois, j'adore ces gars et parfois, je les déteste. C'est peut-être un peu ça, l'amour, finalement. Moi, je ressens la même chose pour Nintendo. Hein, qu'à partir de là. Mais non, mais sans déconner, les cartouches, c'est super mignon. En plus, les jaquettes sur la cartouche en elle-même qui était collée, sont vraiment super belles, quoi, les jaquettes japonaises. C'est vraiment du beau boulot. Bah, disons qu'en termes de collection, tu comprends pourquoi elles le font. Oui. Mais ils se sont dit, c'est de la collection, donc on va mettre le tarif haut. Oui, mais c'est ça, mais c'est dommage. Parce que c'est, l'objet est vraiment chouette, je trouve. La petite cartouche miniature, l'ensemble, je trouve ça vraiment bien. Mais pas à ce prix-là. Quoi. Merci à toi, monsieur Sega. Je suis très dubitatif aussi, bien sûr. Enfin, après la... On verra bien, je ne sais pas trop où ils vont avec ça. Oui, une espèce d'objet collector. Après, si c'était ultra limité, ça aurait peut-être du sens. Mais... Wait and see. Enfin, plutôt pas si, parce que je ne vais pas dépenser 200 balles pour ça. Oui, voilà. Oui, parce que moi, l'idée, la cautionne en réalité. Hein. Ces petits machins-là, comme ça. Oh, oui, ils sont partis au bout de leur idée. Ils ont fait la Mega Drive Mini. Ils ont fait. Ouais, vous regardez la Sega CD, le 32X, si vous voulez, Mini, tout. Ils ont mis la max, quoi. Mais. T'as le prix. Le prix, putain. Et bonsoir, Madévo. Ouais. Après, je suis peut-être pas le seul à apprécier ça. Ah non, mais moi, j'aime beaucoup. Mais quand je vois le tarot, je me dis effectivement, non, merci. Hein, laisse tomber. Et peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas du tout, au contraire. Hein. Ah bah ouais, ouais. Bah, ça reste du plastique, après, si t'es, trop, si t'es problématique bah voilà. Ou autre. Voilà. Après, si t'es, si t'es capable de dépenser des milliers et des cents pour du carton... Hein. Ouais. Mais qui fait ça? Qui? Des gens. Tout le monde. Ok. Autre news rapide... Vu ce soir, ils ont décidé de... Petit portage amateur, je vais y arriver. Ouh là là, bonsoir, allô. Je vais arriver à faire ma phrase complète, c'est promis. Donc... Ça va? Oui, ça va, oui, j'ai pas assez lu. Un certain Stern a décidé de faire une conversion du jeu Berserk sur NES. Voilà, un de mes jeux Atari 2600 préférés. C'est mon jeu de la vie sur Atari. D'accord. À toi aussi. Merci. Alors, j'ai toujours pas testé ce portage parce que j'ai vu la news 5 minutes avant le podcast. Je vais regarder surtout comment je peux le mettre, comment je peux me faire une vraie cartouche pour Berserk. J'espère qu'il y a les voix de la version arcade. Et j'ai un easter egg débile. Dans les Simpsons, quand Homer va à la fac, quand il rentre dans la chambre avec les grosses têtes, ils disent « alerte, intrus, stoppez l'humanoïde ». Et ben en fait, ça vient de Berserk, de la version arcade. J'avais totalement oublié ça, tiens. Ah ben, en fait, j'ai vu l'épisode en VO il y a un an ou deux ans. Et j'ai un pote en fait qui est fan, plus que fan des Simpsons, il est admin sur Simpson Park. Salut à toi au passage, Naglafar. Et je parle avec lui, je dis ouais, est-ce que t'es au courant de cet easter egg? Et il comprenait pas, parce qu'il avait jamais joué au jeu, et faut vraiment savoir que c'est là, quoi. C'est vraiment pas le truc le plus. Donc voilà, Berserk, j'espère que le portage est très réussi. Apparemment, ils disent qu'il y a les voies robotiques, comme en arcade. Qui aurait tous les labyrinthes et qu'on pourrait jouer à deux. Oh mon dieu! En même temps, on vient de perdre Monsieur Chou en direct. Ah ouais, non, mais là, c'est un orgasme. Hein. On peut jouer à deux apparemment en même temps ou alors chacun son tour. Oh là là là là. Ah, en même temps. Ah, ça a l'air trop bien. Je confirme, on a perdu Monsieur Chou. Je le télécharge. Et merde, salut. C'est payant la Rome. Ah merde, bon, c'est pas grave. C'est pas... Bon, bonsoir, monsieur Ayur, c'est là sur le chat. C'est payant apparemment pour 1,99$. Bonsoir aux arrivants. Donc voilà. Dernière petite news. Alors là, je vais faire mon Julien C. Vous me voyez pas, je mets mes mains en avant pour parler avec en disant c'est l'avenir, le futur. J'y crois et je veux y croire avec vous. Le streaming, on en parle, on y est presque. Donc le. Ant-stream est là. Voilà. Ça a enfin été lancé. Bon, je ne me suis pas renseigné voir exactement ce qu'il y a dedans. Oui, Ant-stream, rapidement, on en a déjà parlé. C'est un service de streaming rétro gaming. Voilà. Apparemment, ils annoncent quand même Metal Slug, Speedball 2. Je vois un Double Dragon, je vois un Xenon, je vois un Zul, je vois Saboteur. Donc, il y a d'avoir quand même des titres sympas. Après, il faut voir ce qu'il y a dedans. Oui, on en avait parlé il y a 2-3 podcasts de ça. Ouais. On avait parlé que c'était sur le point en fait de le lancer. Et apparemment, c'est fait. Après, les gens, quand ils vont voir que c'est la version Spectrum de Metal Slug, ils vont voir flou. C'est pas faux. C'est vrai que s'ils arrivent à récupérer d'autres jeux SNK, par contre, ça peut devenir quand même assez intéressant, mine de rien. Oui, c'est ce qu'on avait dit. On attend de voir après comment ils vont faire le truc, mais... Mm-hmm. Ça peut être intéressant, effectivement. Alors, est-ce que c'est disponible sous nos latitudes, ce genre de choses ou... Je c'est pas tant. Ils sont available in the UK. Alors, les UK, c'est pas trop ici, mais c'est pas loin, hein, ma foi. Bon, après, attends, j'essaie de regarder sur le site. Ils en disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, Metal Slug est bien mis en avant en mode. Vous avez vu, il est là. Apparemment, je crois que bon, si j'avais bien lu il y a quelques temps, c'est dans un premier temps que le Royaume-Uni pour des questions de droit. D'accord. Et si tu essaies de t'inscrire depuis d'autres pays, ils peuvent pas garantir à 100% que tout va fonctionner. Voilà. C'est marqué en bas sur le site. Ouais, c'est. Tant, on sait jamais. Ouais, mais non. Honnêtement, je préfère donner 1,99$ à ceux qui ont fait le portage de Berserk sur NES pour une ROM, tu vois, que je vais sauvegarder dans un coin de mon disque dur plutôt que pour ça, quoi. Enfin, bref. Très bien. Bon, alors, a priori, ça y est, plus de news cette semaine. Rapidement, moi, je voulais... Oui. Non, parce que moi j'en ai deux petites, mais je. Ah mais vas-y, news, je ferai après. C'est un petit truc, hein. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps, mais officiellement, ça y est, c'est fini. Le Remaster XRGB Mini n'est plus produit. Ils ont plus de pièces, donc là ils écoulent les stocks et après, coup de balle. Donc pour ceux qui savent pas ou plus ce que c'était un dispositif qui permettait de brancher ces vieilles consoles, donc qui avait des prises Peritel entre autres, à un écran de télé Full HD ou même 4K, appelle un upscaler. Et bah voilà, c'est plus produit. Donc maintenant, faudra, bah, si vous en voulez un, faudra vous dépêcher ou sinon claquer 2 millions d'euros sur eBay. Non, je sais pas combien ça coûte maintenant, mais. Et oui, vous tournez vers l'OSSC. Hein. Voilà, l'alternative récente, c'est l'OSSC. Comme tu l'as dit, si vous suivez moi sur Twitter, il en a parlé dans ça. Donc, au niveau, comment dire, praticité, input lag, aujourd'hui, l'OSSC est plus performant. Ouais. Clairement. Mais tout n'est pas parfait sur l'OSSC. Apparemment, tu disais qu'au niveau capture, c'est plus simple avec du. C'est ça, ouais, parce que bon, à la base, il y avait des petits soucis sur certaines télés, qui sont notamment avec la Super NES, qui je crois sont résolus pour la plupart. Mais il y a quand même, on va dire, les modes les plus intéressants de l'OSSC, donc qui fournissent l'image la plus belle et tout, bah souvent ils font péter un câble aux cartes de capture. Donc, notamment si vous êtes streamer. Le Framemaster offre une image un peu meilleure. Après, c'est pas non plus une différence extraordinaire. Hein. Mm-hmm. Vous pouvez vous contenter de l'OSSC et de mettre un mode un peu moins beau, quoi, on va dire. Je simplifie hein, pour pas rentrer dans les détails. Mais voilà. C'est un choix. Donc, en gros, moi, honnêtement, je partirais quand même sur l'OSSC, quoi qu'il se passe, parce que c'est moins cher, c'est disponible. Et aujourd'hui, voilà, l'OSSC, donc l'autre alternative dont on parle relativement souvent ici, à savoir les consoles à base de FPGA. Aussi, oui. Alors ça, c'est plus cher, par contre. C'est beaucoup plus cher. Bah, c'est plus cher, c'est-à-dire, aujourd'hui, considérant le prix d'une console rétro et des jeux pour l'alimenter... Ah oui. Voilà. Effectivement. Comparé au prix d'une on a déjà dit, d'une Mega NT ou d'une Super SG. C'est l'inverse. Okay, ouais, c'est pas grave. Tout le monde m'a compris. Voilà. Et donc, il existe un tas. Enfin, oui, c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de solutions parce que je me rends compte que depuis qu'on a commencé le podcast, il y a pas mal de solutions alternatives. Bon, les consoles analogues qui sont apparues et tout ce qui est cartouche d'émulation de lecteur disque. On a parlé pour le Mega CD là, récemment. On en avait parlé également pour la PC Engine puisque ça existe exactement pareil, même si ça reste extrêmement onéreux. On commence à avoir de plus en plus de solutions aujourd'hui pour jouer, pour éliminer les problèmes de l'émulation pure sur PC. L'input lag, le fait que ce soit pas 100% accurate. Et je pense qu'on peut dire que les prix, avec un peu de chance, vont finir par baisser, non ? Après, ça va rester un truc de niche. Il y a aussi des trucs qui commencent à arriver, qui sont aussi des câbles en fait, spécifiques en fait, pour balancer les signaux en HDMI. Il y en a un pour la GameCube qui était sorti il y a quelques temps. Apparemment, il y en a un pour le GC vidéo qui fonctionne très très bien. Ouais. J'ai plus son nom exact, ça fonctionne très très bien. Par contre, c'est un câble qui fonctionnera que sur les GameCube modèle DOL 001, mmh. C'est-à-dire celle qui avait la sortie pour brancher le fameux câble YUV. Ouais, sortie digitale. Ça marchera en gros sur en gros sur les premières consoles européennes quoi. Les premières GameCube européennes. C'est... Après ils l'ont enlevé pas, au bout d'un moment. Et sur les consoles des autres pays, c'est mort. Peut-être au Japon aussi. Peut-être des consoles japonaises, je suis pas sûr. Enfin, voilà. Mais ouais, il y a plein d'alternatives. Il y a HD Retrovision qui font des câbles YUV. Qui commence aussi à disparaître de tous les écrans, mais bon, ça reste une bonne alternative sur les écrans, notamment c'est Full HD et tout. Malheureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus, sur les écrans récents, il n'y a plus que du HDMI quasiment. Ouais. Ouais. Et, mais par contre, si vous passez par, par un ampli Home Cinema, là, on arrive encore à trouver, pareil, faut aller taper dans le un peu plus haut de gamme que les modèles les plus basiques ont quasiment plus que du HDMI aujourd'hui. Après, on peut pas, c'est cool qu'on arrive à une standardisation du HDMI, même s'il faut le dire un peu vite, parce qu'entre les 1.3, 1.4, 2.0, la 2.1 qui arrive. 2.0A, 2.0B. Ouais. Attention. Là, ça devient. Et puis, voilà, ça va devenir aussi compliqué rapidement. Voilà, bref, choses évoluent et trouver des solutions pour jouer à nos vieilles consoles tout de même. Parce que les bons vieux écrans cathodiques ne seront pas éternels. Il y a un moment, oui, ça va. Ben, c'est ça, oui. Quoi. Quelqu'un qui suggérait un jour, mais avec le nombre de personnes qui veulent jouer aux consoles rétro, il n'y a pas un constructeur qui s'est dit, voilà, on va refaire des écrans cathodiques. Ça coûte trop cher. Non seulement trop cher, je crois, pour des raisons environnementales. En fait, on n'en aura plus jamais. Ouais. Je crois que ce serait limite illégal d'en réassembler maintenant. Des cathodiques cathodiques, maintenant, t'as pas le droit, quoi. Je me demande même si c'était pas moi sur l'un des chats d'un podcast précédent d'ailleurs. Mais... C'est possible. Petit, mais oui, totalement. Peut-être. Oui. Enfin bon, bref. Et l'autre seconde petite news que tu voulais dire? Alors en fait, Jamais de Bol m'a fait penser à une autre news encore. Mais oui, Blazing Chrome, un jeu que j'attendais depuis des millénaires, sort enfin sur plein de trucs en fait. Hein, Xbox, PC et je sais plus, peut-être PS4 même. C'est le jeu Contra que Konami aurait dû faire maintenant, quoi. C'est un hommage à Contra, un hommage mais totalement assumé, hein, et les gars ils l'ont dit dès le début, on a pris les palettes de couleurs de Contra, on a voulu un Contra vénère. On est plus dans l'hommage là, à ce niveau-là, après. Si, quand même, parce qu'il y a quand même des phases, enfin des... Le trailer en tout cas promettait quand même des nouveautés, encore plus de dynamisme et tout. Après, on est dans voilà. La même chose qu'un Tarantino. En gros, ils se sont dit, voilà, on veut faire un contrat en 2018, quoi. C'était à la base de projet. Hein, donc... ce qui est dans les bandes annonces qu'on voyait du jeu, c'est que ça reprenait vraiment l'âme du truc, dans le sens, ça va être, c'est des débauches d'effets spéciaux rétro. C'est ça. Et c'est vraiment joli. Ouais. Donc, bon, oui. Bah voilà, on verra ça. Hein, et... C'est un petit peu ce qu'ils avaient fait avec. Il y a beaucoup de choses. C'est un peu ce qu'ils avaient fait avec Bloodstained Circle of the Moon. Qui était aussi un vrai hommage au vieux Castlevania en 2D, totalement assumé au Castlevania-nesque. Ouais. Ouais, c'est ce genre de délire. De la même manière que Bloodstained est un hommage totalement assumé de Symphony of the Night. La même chose. Voilà. Donc c'est bien. Mais vous en faites pas, il va être bien le nouveau contrat. Vous êtes mauvaise langue. Non, je pense pas que les gens soient inquiets là-dessus. Juste Blazing Chrome, ça tabasse. Pardon, Pelle, il y a mon oreille qui a sifflé à un moment, qu'est-ce que t'as dit? Quoi, qu'est-ce que tu dis? T'as dit les gens sont pas inquiets du nouveau contrat, c'est ça? Ah, le nouveau contrat, si, non, je croyais que tu parlais du quand on a vu la bande-annonce, on n'a pas compris que c'était un contrat. Ah oui, non, là, c'est une horreur totale. C'est que, justement, ils n'ont pas compris l'âme de la série, en fait, là. Ouais, je... Enfin, parce que c'est ce qu'on avait dit, c'est que pour moi, Contra, ça n'a jamais été du second degré en réalité. C'est du premier degré assumé. J'allais la faire, monsieur Chou. Voilà. Et du coup, le contrat nouveau part dans un délire qui ne correspond pas du tout à l'essence de la série, je trouve. Mais bon. Voilà. Mais donc, ouais, ce dont je voulais parler aussi, mais c'est un petit peu en rapport avec ça. Ils ont annoncé un truc cette semaine sorti de nulle part. J'ai vu. Pas grand monde s'ambiancer là-dessus, pourtant ça a l'air super génial. Ils ont annoncé River City Girls. Oui, c'est le Kunio-kun, mais avec des filles. C'est ça, mais le jeu il a l'air trop bien. j'ai vu, ça a l'air fabuleux. Le jeu il a l'air beaucoup trop bien. Le pixel art il est super stylé, ça bouge bien, ça casse des gueules quoi. Oui, après, ça va être du Kunio-kun. C'est pas le truc le plus connu. Hein. C'est, ouais, bah, donc, à la base, c'était. Alors, attends, le nom de base, c'était River City Ransom, hein, ça, si je dis pas de conneries. Ouais. Et là, bah, c'est les deux filles qu'on ouais, devait sauver dans le premier jeu. Bah, là, c'est elles qui. J'ai vu ça, ça a l'air vachement cool. Mais ça reste du Kunio-kun, ça reste du jeune niche. Hein. Attention, hein, c'est quand... apparemment, ce sera Arc System hein, qui. Oui! Mm-hmm. Bah, c'est pas des rigolos les mecs hein. Mais ça fait totalement penser à ce genre de jeu qui a subi donc quelque chose dont on se plaint souvent ici, la disparition due à une distribution purement dématérialisée, qu'un jour quand ils distribuent plus, ils distribuent plus, c'est le Scott Pilgrim de la 360. C'est ça que j'ai très apprécié, ouais. Et qui aujourd'hui est même plus achetable, malheureusement. Ouais, voilà. Bah là, c'était d'autant plus flagrant qu'en plus, c'était Richardson, hein, le maître du pixel. Non, Richardson, hein. c'est le papa du pixel art. Voilà, c'est lui, daron, il est génial. Ouais. Et il a repris en plus la DA de Scott Pilgrim, la bande dessinée d'origine. Ouais. Donc il a fait un travail mais hallucinant. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire, moi. Merci à toi, monsieur moi. Bon, j'ai une demi-news vite fait. Alors, les bornes Arcade One Up arrivent en France sur la pointe des pieds et même de nuit, pour pas qu'on les voit. Il y en a au micro compte-goutte dans les Leclerc. Alors attention, dans un premier temps, c'est que le modèle Street Fighter. Mais c'est quoi les bornes One Up, pour ceux qui connaissent pas ? Arcade One Up, c'est des bornes au format 3 quarts. Alors, comment vous dire ? Quand vous voyez la taille du carton, ça fait peur, hein. C'est là où vous vous dites, c'est vraiment pas grand. Ah, je dirais personne, mais c'est Robert. C'est une microborne qui pullule un peu partout. Voilà. Tu peux poser sur ta table. Non, ça c'est les bar top. Là, c'est une vraie borne. Comment dire ? En fait, ils ont pris une borne en fait normale qu'ils ont réduit les dimensions de un quart. D'accord. Okay. Alors donc. Ça reste quand même quelque chose de mastoc. Oui et non, parce qu'en fait, déjà, normalement, sur une borne arcade, t'es quand même un peu serré à jouer côte à côte. Oui, ça là, en fait, les bornes arcade one-up, pour l'instant, le seul modèle que j'ai vu de disponible via une photo, et je sais que c'est pas des conneries, c'est mon voisin qui m'a montré ça, qui travaille chez Leclerc, coucou au voisin d'ailleurs. Et du coup, en fait, le premier modèle qui est dispo, c'est la borne Street Fighter 2, donc dedans, il y a Champion Edition, Super Street Fighter 2 et Super Turbo. Donc avec deux panels, enfin avec un panel deux fois, enfin deux joueurs et deux fois six boutons. Jouer côte à côte, ça a l'air ultra compliqué. Et quand vous voyez les photos en fait de vrais adultes qui jouent côte à côte, vous dites oh putain, ça a l'air vraiment petit. Alors ça vaut, j'ai pas trouvé en fait sur le site de chez Edouard le tarif. Non, parce que le site il est pas complet, ça c'est le truc qui va jouer magasin par magasin, il faut aller voir ça en magasin. Ça, par contre, sur ces discounts, c'est disponible aux alentours de 500 pruneaux et ils vendent à part en fait je crois ils appellent ça le riser, voilà, un rehausseur en fait pour pouvoir maintenir la borne à un niveau quand même pas trop dégueulasse parce que c'est quand même, c'est fait pour être accessible debout, je pense, pour des enfants. Pour des adultes, c'est déjà impossible de jouer debout, mais alors jouer assis, ça a l'air clairement. C'est un bon investissement pour toi. Honnêtement. Rapport qualité-prix, c'est ça la question. Ouais, c'est ça, rapport pour les gens qui voudront en acheter. Alors moi, j'ai suivi le truc depuis le moment où ça a été annoncé jusqu'aux premières livraisons. C'est pas mal. Il y a des énormes problèmes de fabrication, notamment au niveau des artworks. Il y a l'artwork au niveau du panel qui. Tu poses la main, enfin, attention, j'exagère, hein, mais tu poses la main 5 fois dessus, tu le griffes un peu, t'en as plus. Si bien que Arcade One Up a redonné en fait aux gens qui se plaignaient des artworks, voilà, à changer soi-même. Honnêtement, si vous n'êtes vraiment pas bricoleur, vous voulez une borne, ça peut être intéressant, surtout qu'apparemment c'est bricolable pour mettre un RP dedans, pour pas le nommer, hein, notre ami le Raspberry Pi. Ça peut être un bon deal. Le problème, c'est que ben, les boutons et joysticks, ça n'a pas l'air géniaux. J'ai suivi aussi les modèles en fait avec des trackballs, des trucs comme ça. Ça a l'air clairement de le faire à la piste des bois. Ouais, je pense que c'est un objet purement. Enfin, je vais pas dire purement décoratif. C'est un bel objet avant d'être quelque chose de jouable, voilà. Ouais, ça s'adresse pas aux gens qui sont fans de l'arcade. Alors que pour moi, déjà, un bar top, c'est déjà, entre guillemets, je vais pas dire une hérésie, moi j'aime bien, pour le boulot, c'est cool. J'en ai trois, c'est super pratique, tu le poses sur une table, voilà, tout le monde peut jouer. Mais le bar top, c'est quand même un truc que si tu l'as construit toi-même, tu connais toutes les pièces, donc s'il y a le moindre souci, techniquement, tu es capable de changer. Là, c'est des composants, je vais pas dire plus ou moins propriétaires, mais quand tu as foutu une télé dans ton bar top, la télé, bah, tu sais où sont les connecteurs, tu sais quel est le modèle de ta télé, a fortiori, si tu as un problème. Voilà, tu sais comment oui, changer. Tu dis que si là, jamais ça merde, ça... C'est voilà, de... là, si ton écran, il crame. Donc, c'est... Okay. C'est pour moi un objet, voilà, c'est ce que je disais. C'est pas un truc spécialement évolutif, sauf si vraiment tu mets les mains dans le cambouis pour mettre un RP. Mais en tout cas, voilà, je voulais mentionner, ça commence à être dispo en France. Attendons de voir. Il y a pas mal de modèles qui sont, voilà, que Arcade One Up, comment dire, propose en nouveauté chaque trimestre. Donc voyons voir. Pour l'instant, d'après ce que j'ai pu voir en farfouillant sur le net, il n'y a que deux modèles qui seraient dispo en France, donc le Street Fighter 2. Donc j'ai vu le packaging en photo. Le carton est pas... Je le répète encore, hein, vous voyez là, le carton, vous vous dites, c'est impossible qu'il y ait tout dedans. Moi, ça a été un peu ma réaction. Et il y a un autre modèle apparemment qui serait dispo, qui est le modèle Pac-Man, qui là, par contre, ça sent la saucisse. Tu fais un modèle Pac-Man, il n'y a que deux jeux dedans, Pac-Man et Pac-Man Plus. Adieu Miss Pac-Man, adieu Pac-Mania, et adieu aussi Pac-Man Junior, il me semble. Voilà, pour le peu de place que ça prenait sur, voilà, sur okay, une bande flash. Voilà. Bon. Donc, bah, okay. N'achetez pas. Bah, si vous voulez avoir un truc purement décoratif et jouer dessus une fois tous les mois, quoi. Oui, donc n'achetez malheureusement. Pas. Malheureusement. Ok. Bon, ben merci bien. Donc sur le coup, ben on va pouvoir passer à la suite. Je corrige juste un tout petit truc. Non. Deux autres. Non, mon Dieu. Non, mais on avait parlé du pixel art. C'est pas Richardson, c'est Paul Robertson. Ah, j'avais écorché son nom. Ce qu'il faut pas confondre avec Richardson, c'est un handballeur, je crois. Non, tu fais bien parce que là, on a déjà reçu 15 commentaires YouTube qui t'insultaient. Je vais avoir la confiance tranquille. Quand même. En parlant de commentaires, je tiens à vous signaler que Twitter remarche à nouveau. Vous pouvez inspirer. Et donc, sur ces entrefaits et ces bonnes nouvelles, nous allons entamer notre sujet principal de ce soir, qui est donc les jeux vidéo en Europe et en France en particulier, parce qu'on est quand même un petit peu français, vous voyez, sauf Carotte. Bon, ça. Et donc, sur le coup, on va pouvoir parler de cette époque bénie où les jeux qui arrivaient en France, ben, ils n'étaient pas en français. Hein ? Est-ce que vous vous souvenez, vous ? J'avais envie qu'on fasse un petit peu chronologiquement et de commencer par parler... de la première ère, c'est-à-dire les ordinateurs 8 bits, 16 bits et les consoles 8 et 16 bits. Est-ce que déjà les personnes du podcast se souviennent de cette époque où très peu de jeux étaient traduits et où ils jouaient des jeux en anglais? J'ai réfléchi et j'arrive pas à savoir quel est le premier jeu traduit auquel j'ai joué sur Master. J'ai aucune idée si j'ai déjà joué à un jeu traduit sur Master System. Sur Master System, ouais. Sur Master. Autant alors... sur NES, oui. Master System. Ah, il se trouve que l'ami Youlout sur Twitter a posé la même question il n'y a pas longtemps, et ce qui est revenu comme réponse, et c'est la seule aussi que j'ai en tête, c'est Astérix sur Master System. Ouais, j'ai pas joué à Astérix. Mais j'ai pas de... Voilà, l'Astérix, c'est le seul jeu en français sur Master System. Il est bizarrement pas si étonnant que ça. Bah non. Voilà, bah, en vrai, c'est un jeu qui est fait par Sega Japon. Donc... Ah, c'est le Sega Japon. Ah oui, il est beau ce jeu. Le tout premier est fait par Sega Japon. Ouais. Sûrement l'un des meilleurs Astérix d'ailleurs, si on compare aux autres versions, c'est probablement mon préféré en fait. Et bah, il est joli, hein. Mm-hmm. Les sprites sont réussis. Et après en face sur NES, il y avait quelques exceptions. On se souvient des Chevaliers du Zodiac, de Dragon Ball. Dragon Ball, ouais, forcément. Hein. Alors déjà, on va commencer à parler mal parce que, bon, qualitativement... C'était pas ça quand même. Ah, c'est... Oui, non, non, bah, voilà, bah, les balles du dragon, hein, déjà. Les balles du dragon, en plus, le jeu, il est clairement plus que censuré. Il est voilà. Alors, je veux dire, pas tant que ça, hein, parce que j'ai vu la version américaine, ils ont changé les sprites. C'était allé encore plus loin. Ça s'appelle plus Dragon Ball. Au début du jeu, avec Tortue Géniale ou alors la petite pelle, moi je les confonds les deux. Je suis plus la différence. Ils ont inversé en fait le sprite de la culotte, censé être la culotte de Bulma. Ils l'ont fait pivoter en fait, hop, et ils l'ont peint en blanc et c'est devenu en fait une boule de riz qu'on voit sur le. C'est une galette de riz, ouais. Voilà. Ça fonctionne bien. Ouais, ça marche, mais bon, une fois que tu le sais, tu te dis non, c'est pas comme ça, quoi. Donc ouais, c'était pas glorieux. À la limite, je dirais presque la plus mauvaise traduction entre les deux titres, c'est pour moi les Chevaliers du Zodiac. C'est vrai que c'était ça, non. C'était quand même bien ça. C'est vrai que de cette là, ça me revient. C'est probablement le premier jeu traduit sur lequel je suis tombé. À toi aussi. Ouais, moi sur NES, c'était Dragon Ball et Saint Seiya et Chevaliers du Zodiac. Je voudrais pas dire dans quel ordre, mais effectivement, c'est les deux premiers. Ouais. Okay. Ouais, c'est marrant, on les a tous fait ces jeux-là. Et ce qui est dur, c'est qu'il y a eu des bonnes traductions sur NES, et que, sur le coup, on s'en souvient pas, mais la version française de Maniac Mansion était tout à fait correcte. Ouais. Elle avait 8. Et là, il était traduit entièrement, et la version aussi française de Kirby. Ah oui, effectivement. Ouais. C'est vrai que c'était en français. Après, même si Kirby n'avait pas énormément de texte, on est d'accord, mais c'était plutôt bien fait. Donc, enfin, on peut dire, oui, c'est vrai que moi, les chevaliers, bon, j'ai pas connu, j'ai eu de la chance, j'ai pas connu, moi, j'avais pas de NES, moi, j'avais une console bien. Mais. Je suis dans le même camp que Bill. Bouh! Et pour ce qui est. Alors, tiens, on voulait te demander, Chou, toi qui es spécialiste des ordinateurs 8 bits, est-ce qu'il y avait des jeux traduits à l'époque ou est-ce que c'était principalement juste les jeux produits en France qui étaient en français? Il me semble que c'est majoritairement ça, en fait. Étant donné que de Morteville, non, il y avait tous les jeux de Adeline Sautzer. Ouais. Après, étant donné que n'importe qui achetait des licences et reprogrammait les jeux, faut pas s'étonner, quoi. C'est ça le truc. Par contre, il me semble qu'il existe quelques jeux d'arcade à peu près de cette époque qui ont été traduits en français, mais malheureusement, j'ai pas réussi à en retrouver la trace. Et c'est ça qui m'embête. Et par contre, je me demande s'il n'y a pas certains jeux français qui ont peut-être été exportés à l'étranger. Je pense au Pacte, par exemple, sur Amstrad ou des jeux comme ça. Mais pour alors, le coup, moi, c'est... il n'y a pas longtemps, j'ai un YouTuber en fait, que je suis pas forcément très souvent. Et il a ressorti le truc en fait, du jeu... comment c'est ? Le Marche à l'ombre sur... Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord. Marche à l'ombre, le jeu de Renault, là ? Voilà, sur Amstrad. Mm-hmm. Qui existe en fait sous un autre nom en fait, à l'étranger. Alors apparemment, comment dire, lequel est arrivé le premier, l'œuf ou la poule, on sait pas vraiment quoi. Le problème de ces années et le problème de ces trucs, c'est que c'est absolument pas documenté de façon sérieuse. Bah c'est vrai. Comme c'est souvent vrai. Les micros, de toute façon, il n'y a pas assez d'infos. Enfin c'est ça le problème. C'est autant pour les trucs comme Nintendo ou Sega, maintenant on commence à avoir une documentation, une base de travail assez intéressante. Si tu veux essayer de te renseigner un peu sur ce qui se faisait voilà, dans ces années-là sur micro, c'est... Et surtout, je pense, ce qui manquerait, ce serait vraiment un bouquin en français sur les années Amstrad, Commodore 64, ce serait moi... Ouais, clairement, oui. Je serais client de ce genre de truc. Non, parce que je suis en train de réfléchir, c'est vrai que sur les ordinateurs de cette époque-là, les jeux qui étaient traduits, bah, c'était les jeux de Muriel Tramis. Mais c'était des jeux français, donc pas problème de localisation à ce niveau-là. Les jeux, bah, les croisières comme pour un cadavre, Manor de Morteville. Ce genre de jeu-là, oui, il y avait une version française. Les autres, de ce que je me rappelle, je ne me rappelle pas avoir vu de traduction, en fait. Eric Dangerous, tout ce genre de jeux-là. Non. Bah, de toute façon, c'était déjà à la base des jeux plus ou moins faits en Europe. J'ai pas de souvenir véritablement, mis à part certains jeux bien spécifiques. Par contre, pour remonter encore un peu plus loin, je me souviens que par contre, certains manuels de jeux Atari 2600 étaient traduits. Et là, parfois, il y avait vraiment de belles perles sur les. Bah, ne serait-ce que manette, joystick, bon, bah voilà, ça devenait manche à balai ou ce genre de choses. Voilà, j'ai une petite anecdote rigolote. C'est que je regardais mes boîtes NES aussi de Super Mario Bros. 3, par exemple. À l'arrière, c'est écrit qu'il fallait éliminer. Non pas tous les boss, mais tous les petits patrons. Oui, c'est vrai. Les petits patrons. J'ai oublié ça. Il y a pire que ça pour les sprites. Oui, c'est écrit. Éliminer tous les petits patrons. J'ai dit, qu'est-ce que c'est moment donné, avant les grands patrons, il faut bien éliminer les petits. Hein. C'est pas ça, c'est à un moment donné, il y avait aussi un... Comment dire tout anglicisme était un peu banni, donc pour les sprites, ils appelaient ça les lutins. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un bouquin, en fait, qui était une sorte de bouquin d'initiation à l'informatique fin des 70, début 80. Il y a des perles aussi dedans, en fait. Et c'est un bouquin français à la base, en fait. C'était avant la loi Toubon ? Je sais pas, mais alors c'est fabuleux, quoi. J'avais oublié le coup de butin, effectivement. Je connaissais pas, mais je crois que ça m'éclaire sur certains trucs que je comprenais pas, en fait. Ça y est, la révélation, moi. La question, enfin, comme dit Bigorneau, c'est vrai que la question, c'est qui faisait les traductions ? Parce que si tu confies ça à quelqu'un, une personne en France, tu comprends que ce soit bien fait, mais après, quand c'est loupé, c'est quoi ? C'est les Japonais qui, à l'époque, prenaient un dictionnaire pour traduire directement ? Ça peut être ça, des gens qui n'ont pas, dont le français n'est pas la langue maternelle. Les moyens, surtout. T'as pas beaucoup d'argent, tu prends le premier qui passe. Aussi des gens qui sont pas du tout qualifiés dans le domaine, enfin dans le jeu vidéo, qui ont jamais joué à un jeu de leur vie, et ça pouvait éventuellement arriver, peut-être moins maintenant. Le contexte du jeu, ils traduisent à la volée, donc sans contexte. Parce que c'est... Je voulais le bagnard. Je suis désolé, j'ai réussi à retrouver le nom de ce jeu, le bagnard. Ah, je me rappelle de ça, mais c'est un jeu français, ça. Par contre, il me semble que c'est un jeu français, donc pour le coup, c'est pas traduit. Bagnard, mais je suis désolé, ça fait 5 minutes que j'ai de retrouver ça. Donc voilà, j'ai mon cerveau qui est un peu le bagnard. Et je disais, parce que par rapport aux traductions, on a déjà des exemples à l'époque, déjà de la NES, de traductions, même pas de jeux qui n'ont même pas été traduits en français, mais des traductions japonais vers l'anglais qui ont ruiné des jeux. Et là, évidemment, on pense tous à Castlevania 2, Simon's Quest. Sûr, ouais. Ah oui. L'exemple typique du ruinage total d'un jeu. Bah, tu sais qu'on a le même exemple pour un RPG de PS1, Palissade, quoi je parle. Hein. Oui, mais je voulais le garder pour plus tard. je te laisserai en parler, mais oui, évidemment. Et le truc, c'est que même dans une moindre mesure, la traduction de Zelda 2, c'était pas non plus une franche réussite. Ça, effectivement. Ouais, c'est... Et le problème, c'est on se dit, un jeu, autant pour Castlevania, on a Konami, on se dit qu'à l'époque, c'est une petite société japonaise qui n'a pas forcément de vue sur le marché international. Mais là, on se rend compte que même Nintendo, en vrai, à l'époque, je pense que même chez eux, ça devait être compliqué. Après, c'est toujours pareil. C'était pas nous le marché le plus intéressant. À la limite, ils nous faisaient une fleur de traduire. Ça allait pas plus loin. Oui. C'est pas la même chose que maintenant. Maintenant, on est un véritable marché. À l'époque, le marché, c'était pas la même chose. Hein. On n'était pas les plus importants. Ils étaient heureux d'avoir un jeu traduit. Ils savaient bien qu'ils étaient au minimum obligés de traduire les jeux en anglais, ne serait-ce que pour le marché nord-américain. Mais c'était pas forcément fait correctement. Quoi. C'est ça. Et ensuite, il faut voir aussi comment le projet a été traité. Parce que parfois, les studios passent par des agences de traduction qui font éventuellement n'importe quoi ou qui font bien le travail, et parfois c'est traité en interne. Donc il faut voir aussi comment les traducteurs qui ont bossé sur le projet ont été sélectionnés. C'est pas toujours... D'ailleurs, soit en passant, il y en a qui s'en sont quand même bien sortis à l'époque, parce que nous, on les a pas connus, mais les Américains ont connu Final Fantasy 1 et 2 sur NES et Dragon Quest, qui était Dragon Warrior chez eux, 1, 2, 3 et 4. Ouais. Et j'ai jamais entendu un Américain se plaindre de la traduction de ces jeux. Alors, ça veut dire quand même qu'il y avait des exemples de sociétés qui s'en sortaient bien au niveau des traductions, qui faisaient appel aux bons intermédiaires ou qui avaient les bonnes personnes. Parce qu'ils n'avaient pas de référence aussi derrière, les jeux sortent chez eux, ils savent pas exactement comment c'est traduit, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des non-sens, il peut y avoir quoi que ce soit. Quand tu n'as pas le background derrière, quand tu ne sais pas à quoi ça correspond, pour toi c'est bien traduit. Mais si tu te penses sur les jeux, tu t'aperçois peut-être que la traduction n'était pas optimale, qu'il y avait des trucs. Là, on a mentionné tout à l'heure les jeux Atari. Il va falloir quand même dire quand même qu'il y a des choses qui étaient bien faites. Oui. Notamment chez Activision, que je ne porte pas forcément dans mon cœur, sauf pour l'époque Atari 2600, où c'était quand même eux qui faisaient les choses les plus stylées. Et là, le manuel, j'ai par exemple sous le pif Pitfall 2, qui est quand même traduit en 6 langues. Mmh. Et en fait, la traduction, elle n'est pas immonde. Je veux dire, ils n'ont pas mis bâton joyeux ou je sais pas trop quoi pour jouer. Non, mais voilà. Non, mais il me semble qu'en plus, tu avais montré certains jeux Activision, justement, dans une ancienne VOD, ou peut-être pas si ancienne que ça, d'ailleurs, et c'est vrai que c'était correct chez eux, Mais bâton joyeux... je vais pas m'en et, revenir. Et même la trad au dos de la boîte, elle est pas, je veux dire, elle fait pas, elle on, fait pas. Restez, hein, on, elle restez, on aura, on aura une anecdote avec un bâton joyeux plus tard. On en parlait tout à l'heure en antenne, mais c'est ça le problème un peu aussi, c'est que quand les traductions sont bien faites, c'est rarement signalé où il n'y avait pas de pas de petits mots gentils pour la trad. Par contre, quand c'est mal fait, là, il n'y a pas de problème, c'est tout est ben voilà, c'est voilà quoi, c'est mais je comprends, enfin voilà, je comprends d'un autre côté que ça passe inaperçu quand c'est bien fait, et parce que dans le fond, c'est normal que ce soit bien fait, mais oui. Sauf que c'est loin d'être toujours le cas. Oui. Et tu fais bien de le dire. Enfin, après, pour rebondir sur Activision, étant donné que c'est eux qui développaient et produisaient leurs jeux, c'est un peu normal qu'ils avaient aussi envie de mettre, qu'ils avaient envie de faire ça bien. C'est peut-être aussi une explication pour certains, développeurs. Tu développes le truc, mais t'as pas l'opportunité de pouvoir exporter ton jeu ailleurs. Donc, tu fais forcément peut-être appel à un éditeur, et c'est peut-être eux aussi dans ces temps-là qui mettaient le moins de budget possible pour ce genre de choses, non ? Ça c'est fort possible aussi, ouais. Mais après, c'est plus compréhensible quand t'es une petite boîte ou que quand t'es une grosse boîte. Effectivement, quand t'es une grosse boîte, que tu vas faire la traduction de ton jeu et que la traduction est chaotique, oui, on a le droit de se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez les moyens de faire quelque chose de bien. Ça dépend aussi du volume à traiter. Si c'est un petit volume, bon, la trad va pas forcément coûter très cher à la boîte. Si c'est des millions de mots, c'est tout de suite différent. Si c'est un RPG, effectivement, bah ouais, là, les tarifs sont pas les mêmes. Bah, on a eu le problème avec les Yakuza. Oui, trop de mots, donc pas de traduction. Yakuza, on en parlait cette semaine avec Cap, justement, c'est extrêmement paradoxal, c'est-à-dire qu'ils ont traduit le premier, ils se sont dit qu'il n'avait pas eu assez de succès pour mériter donc une traduction en français pour le second, et en plus, sur le coup, ils ont d'autant plombé la suite de la série que moi, j'ai déjà vu plusieurs amis à moi qui m'ont dit « Quel dommage qu'ils n'aient pas continué à traduire Yakuza, c'était vachement bien, j'avais envie de jouer à la suite, mais je ne comprends pas l'anglais ». C'est-à-dire que c'est dur parce que d'un côté, ils savent qu'ils ne vont pas rentabiliser s'ils traduisent, et de l'autre, ils savent que s'ils ne traduisent pas, ils vont perdre une partie des gens qui étaient venus avec la traduction. C'est pour ça que la série a connu des jours assez pas terribles pendant un moment en Europe. Et ouais, mais grâce à ça, grâce aux ventes des jeux, ils ont traduit Judgment. Voilà. Il n'y a pas de secret. Ouais, y a aussi des jeux où tu avais juste trois lignes de texte et c'était mal fait aussi. Moi, pour moi, le meilleur exemple, c'est Pro Wrestling sur NES avec son fameux A Winner Is You. Oui. Pro Wrestling sur NES, c'est un de mes jeux favoris de la NES. J'adore ce jeu. Moi, j'en suis pas forcément fan, mais sur la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit oui, d'accord. T'as aussi Double Dragon 3 avec Bimmy et Jimmy, c'est quand même formidable. Bah, y a le I Am Error, hein, tu parlais de Zelda 2. Oui, enfin, ouais, mais Zelda 2, il y a quand même considérablement plus de texte. Ouais. Et il y en a aussi des. C'est des quoi All Your Bases Are Belong to Us? All Your Bases Are Belong to Us, mais là on est passé à l'époque 16 bits avec le fameux Zero Wing sur Mega Drive. Mmh. Voilà. Foncièrement, on n'a pas beaucoup de texte à traduire. Ça, c'est un shoot'em up, donc. mais bon. Peut-être rappeler aux auditeurs aussi que un projet est décomposé en plusieurs phases. Souvent, on en a après le traducteur, mais derrière, normalement, il y a un relecteur, il y a les bêta-testeurs, il y a tout un tas d'étapes où les erreurs peuvent être corrigées normalement, et si elles ne le sont pas, c'est... Bah, encore une fois, c'est dommage. C'est... Soit un manque de professionnalisme des gars qui ont relu ou testé, soit... Je sais pas, il peut y avoir beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça. Mais... Pour les petits jeunes qui ne savent pas de quoi on parle, je vous mets l'original de All Your Bases Are Belong to Us, un des premiers mèmes peut-être de l'histoire. Oui, et c'est quelque chose qui revient régulièrement, effectivement. En tout cas, au niveau, pour essayer d'avancer un petit peu dans le temps, la période 8 bits, moi, il y a un jeu qui m'a marqué en particulier, j'avais envie d'en parler parce que c'est mon premier jeu dont je me souviens vraiment avoir joué, premier jeu avec des textes en anglais, où donc j'étais en 5e, je m'en souviens très bien. 5e, t'as pas beaucoup d'années d'anglais normalement. Une et des bananes. Voilà. J'étais avec mon petit dictionnaire papier français-anglais, anglais-français. Et je jouais à Golden Axe Warrior sur Master System. Ben oui, en traduisant mot à mot pour essayer de comprendre ce qu'il fallait faire. J'ai fait la même chose, j'étais en 6e, c'est-à-dire que je n'avais pas d'année d'anglais. Et ça... je tiens à dire, et Spellcaster et Phantasy Star. J'avais que Vendetta X Warrior. Et je tiens à dire que les jeux Sega étaient relativement correctement traduits à l'époque. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, quand je joue à Vendetta X Warrior, c'est un jeu qui n'avait pas une mauvaise traduction où tout était compréhensible et toutes les indications données étaient correctes. Voilà. Bah, même pour Phantasy Star et Spellcaster. Hein. Après, je pense que c'est relativement correct. Hein. Il y a aussi, il me semble, quelques traductions qui ont été un peu. Comment dire, qui ne sont pas vraiment dues au traducteur qui aurait mal fait son boulot, mais aussi aux japonais, leur façon de prononcer certains mots, voire même de faire certains anglicismes un peu hasardeux. Notamment, je crois que c'était le X-Men Arcade, Welcome to Die. Ce que ça veut dire, on ne sait pas. Mais c'est Konami, quoi, voilà. Je pense qu'il y a quelques trades comme ça qui, pour le coup, je pense pas que ce soit le traducteur qui ait fait n'importe quoi. Je pense que c'est plutôt chez Konami, je sais pas, ils ont... Après, une des anecdotes les plus grandes qu'on connaisse là-dessus, quand même, c'est l'histoire de Donkey Kong. Donkey, en anglais. C'est vrai. Et pas Monkey. Et donc, ils l'ont gardé quand même. Quand tu vois dans quelles conditions le jeu il a été créé, en combien de temps il a été fait, je crois qu'ils n'ont pas trop cherché non plus. Hein. Oui, mais enfin là, c'est pour dire que au cas où les gens ne sauraient pas, les Japonais et l'anglais. C'est une grande histoire d'amour. Hein. Voilà, c'est pas ça. Bah après, on pourrait dire plus tard avec Samurai Shodown, évidemment. Victoli. Mais il y a aussi les gars du marketing qui doivent valider des trucs. Je pense en particulier, par exemple à Pac-Man qui était normalement Pac-Man et ça ils n'y avaient pas pensé à la base et bon voilà. C'est... D'ailleurs Scott Pilgrim l'explique très bien pourquoi. Ah Ramona. En avançant un petit peu, à moins que quelqu'un ait une anecdote à raconter avec la période 8 bits, non ? Pas de jeu qui vous ait marqué par... J'étais pas né. Non, mis à part les traductions françaises des jeux qu'on a mentionnés tout à l'heure, c'est vrai que j'avais totalement oublié le Kirby, qui pour le coup, la trad française est très bien. Bah moi, le petit Mario 3, les petits patrons, déjà c'est rigolo. Quoi. Moi je... Ouais, Je me demande toujours si dans un univers alternatif, les Megaman ont été traduits en français et tous les noms de boss aussi. Wow. Et je me marre tout seul comme un con en pensant à ce que ça aurait pu donner. Voilà, mais. Homme bulle. Homme toupie. J'imagine pour Elecman, en fait, ils ont juste traduit par Claude François, t'imagines. Désolé. C'était sale, monsieur. Je sais. Non, mais si, Alex Kidd United World, j'ai jamais rien compris au jeu quand j'étais jeune. J'ai retrouvé la traduction anglaise des Girls. D'accord. Juste comme ça. J'y ai pas joué. J'ai eu de la chance. Oui, t'as eu de la chance. Mais c'est pas un jeu qui est très réputé pour ses qualités. Alors, non, je sais plus. Bah, c'est un rip-off d'un jeu japonais. Ils nous ont fait une Mario 2 en fait, avec Doki Doki Panic. Ok. C'est ça que le jeu il est dégueulasse. Est-ce qu'on passe à la saison ? J'allais dire, on va continuer. Et là, on va arriver à l'époque des 16 bits, où les éditeurs vont commencer à se dire que finalement, localiser les jeux, pourquoi pas. Et ils vont le faire, mais de manière sporadique. Nintendo va faire le choix assez tranché, en gros, de proposer certains jeux traduits en français et les autres jeux pas du tout en Europe. Par exemple, on verra jamais, on en a parlé pas mal de fois, ni Chrono Trigger, ni Final Fantasy 3, ni Earthbound, ni Super Mario RPG. Ça va, tu sélectionnes bien. Et à côté de ça, ils vont sortir donc Secret of Mana, Secret of Evermore. Ils vont sortir la trilogie Gaia, c'est-à-dire Legend of Time. Soul Blazer, merci. Et Terranigma. Et finalement, voilà, Nintendo va faire le choix de sortir, d'essayer de porter en Europe certains jeux. Donc, on se souvient à l'époque vendus avec des guides de grand format, des fois que nous perdions. Oui, c'est ça. Mais c'est clair qu'à l'époque, Sega avait été en avance là-dessus sur l'importation de ces RPG. Hein, mais bon. Et Sega a fait un choix radicalement opposé, qui consistait à importer des RPG, mais à les laisser en anglais. C'est sauf Landstalker. Ils vont prendre la décision de traduire certains actions RPG, Landstalker, Soleil, la légende de Thor, et le quatrième, bien sûr, celui de Treasure. Light Crusader, merci. Light Crusader. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a une VF. Et par contre, ils vont, les premiers jeux qui vont sortir, et en particulier, Pell, on s'en souvient, les Shining Star et les Shining Force, et la saga des Shining, vont rester simplement en anglais en Europe, en mode, non, vous n'aurez pas d'autres langues que l'anglais. Voilà. Alors, moi, je sais pas. Moi, ça m'a jamais vraiment posé de problème non plus. Quoi. Quand tu le disais que tu étais en cinquième, tu avais le petit dictionnaire sur les genoux, je veux dire, voilà, quoi, je veux dire... C'est ouais, comme non, ça. Mais t'appelles, hein. T'es plus vieux que nous aussi. Ouais, voilà. Moi. T'es un tout petit peu plus vieux que nous, donc ton niveau. Ouais, voilà, je passais ma licence quand Shining Force est sorti, je passais ma licence, c'est ça. Non, puis je pense que Pell, l'anglais, il l'a appris pendant la guerre de Corée. Donc... non, mais en fait, c'est lui qui l'a créé. Non, la guerre d'Hastings, carrément. c'est lui qui a créé l'anglais, en fait. C'est. Mais mine de rien, tous ces jeux restés en anglais, ça a permis à pas mal de joueurs qui ont, disons, la trentaine maintenant, quelque chose comme ça, d'avoir quand même un très bon niveau en anglais et qui vient en aucun cas de l'école ou d'ailleurs. Mais d'ailleurs, c'est encore le cas maintenant. Hein. Et même les joueurs de maintenant encore. Hein. J'ai un petit frère de 18 ans là, qui a eu son bac. Ah, GG. Et du coup, bravo à lui. Mais je veux dire, les jeux vidéo en anglais, mais forcément, ça aide, mais forcément, c'est clair. Hein. C'est ça, même les solutions complètes qui n'étaient pas traduites, ou même pas à côté de ça, enfin là je sors un peu du sujet, mais des logiciels qui restaient en anglais, donc il fallait se débrouiller pour comprendre les commandes et tout ça. Et je sais que moi, c'est bien plus comme ça que j'ai appris qu'avec les cours, hein, c'est très clairement. Bah, c'était encore aussi les années 80 et un peu 90. Les années où tu pouvais encore faire des trucs avec l'ordinateur, avec des langages de programmation comme le BASIC, des trucs comme ça, forcément l'anglais, t'en avais besoin. C'est ça, oui. Sinon, c'était, je vais pas dire très compliqué, c'était certes un peu plus compliqué si t'avais pas un bouquin qui t'expliquait les différents termes. Donc je pense aussi ça qui a permis aussi à pas mal de monde de je vais pas dire de se trouver une vocation, mais de se dire écoute, c'est un truc, je vais peut-être bosser un peu à l'école. Mais une fois rentré à la maison, je vais peut-être en avoir une utilité. En tout cas, je sais que ça a été mon cas. Bah c'est moi, ça, même des... cas. J'avais beaucoup de problèmes en anglais. Ce qui m'a mis le pied à l'étrier, vraiment, c'est le jeu vidéo. Pareil, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Bah, travail. Même des petits shareware qui sortaient en anglais ou des choses comme ça. Enfin, c'est... Ouais, c'est... Enfin, c'est... Voilà. Je crois que c'est le moment de parler... Puisqu'on est arrivé à la période 16 bits d'une légende de la traduction des gens. Ah, c'est ce moment-là. C'est ce moment-là. Parce qu'on en parlerait, j'avais oublié ça. Parce que je voulais parler, on avait évoqué Landstalker. Oui. Et c'est un jeu que j'ai pas fait à l'époque, mais que j'ai fait récemment, qui dispose effectivement d'une traduction française. Ah, la traduction de Landstalker, oui. Mais. Alors, elle a un avantage, c'est que par contre, elle t'induit pas en erreur. Sur ce que tu dois faire pour la suite du jeu. Comme ouais, sauf dans la crypte. Hein. Sauf dans la crypte où tu as une série de 8 énigmes, hein, c'est ça, je crois. Ah oui, c'est ça, avec les énigmes. Les énigmes de la crypte. Et les énigmes, waouh, c'était pas facile. Hein. Alors, une fois que tu as trouvé la solution, tu te dis, ah ouais, ok, pourquoi pas, mais bon... Il y a d'autres passages dans le jeu où c'est du français pas très bien construit quand même. Mais je pense que... C'était un peu limite sur Landstalker. Moi, je me souviens à l'époque d'avoir vu des tests d'un peu... Alors, Landstalker, c'est une longue histoire d'amour avec ce jeu. J'avais vu le test import japonais dans Joypad où la note était excellente et où le testeur disait à l'époque « N'espérez même pas voir ce jeu débarquer en Europe. Ouais, » J'en étais meurtri. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, il y a Sega qui pop en mode « On vous le sort en Europe. » En français. Ah, d'accord. Alors peut-être surfant sur voyant que Nintendo fait un petit peu la même chose avec ses actions RPG, je sais pas. Bon, bref. Et donc sur le coup, Landstalker, bien longtemps après sa sortie japonaise, je crois qu'il s'est écoulé peut-être quelque chose comme 2 ans entre la sortie française et la sortie japonaise, nous l'ont sorti. Et là, par contre, c'est vrai que la traduction, c'était un peu douloureux, notamment au début du jeu quand on parle à un des PNJ qui nous dit ah mais je suis pas content moi. C'est ça, ce genre de choses, ou le tumpa tumpa yo de la danse. Il y avait des passages étranges. Je pense que Sega voulait absolument son Zelda. Oui. Et il voulait vraiment mettre la max. Donc, Landstalker, il y a Soleil, Oui. Ah bah Soleil, oui, complètement. C'était un. Et il voulait vraiment mettre la max dessus, quoi. Tu sais, c'est genre vraiment, allez-y, il faut qu'ils se vendent. Enfin, c'est la Sega aussi, c'est, enfin, sur Mega Drive aussi, il y a des jeux d'aventure bien et tout. C'est vrai que je suis en train de me dire, mais je suis un âne, je suis en train de parler de tout. C'est les jeux Super Nintendo du monde, sauf le premier. Donc, sauf Link to the Past. Bah oui. Bah oui. Non, je pensais que tu parlais de Mystic Quest. J'ai Mystic Quest, c'est le premier à être traduit en français. Non, c'est Link to the Past le premier. Tu crois ça? C'est Link to the Past, tout premier à être sorti en France en français. Ouais. Okay. Ah, Mystic Quest, il est sorti avant Link to the Past, mais en France, il est sorti après. Ouais, ouais. Oui. En termes de. Ouais. Voilà, ouais, donc Zelda 3 à l'époque était le premier Zelda à bénéficier d'une traduction française. Traduction d'ailleurs qui était. La traduction française est commune avec la traduction québécoise, c'est les Québécois ont aussi le jeu en français. Oui. Mais sur une cartouche 60 Hz, une c'est cartouche ça. NTSC-US. D'ailleurs, si quelqu'un en a une sous la main, je la cherche depuis 2 ou 3 ans. Hein, Oui, fais tes courses, monsieur. Et Link to the Past, surtout, bah, c'est, comment dire, c'est Nintendo, outre le fait de proposer un de mes jeux préférés de l'amour sur la console, vraiment, il propose une traduction qui est impeccable. Ah, oui. Un détail près, quand même. J'aurais un reproche à faire. Oh non, tu vas pas me sortir le nom de l'épée. Bah si, si. D'accord. Et c'est là, oui. mais oui. Et c'est là on touche parce qu'on parle de traduction depuis tout à l'heure. Mais il y a un autre aspect à prendre en compte quand tu sors un jeu en Occident. C'est vraiment plus la localisation en général. C'est-à-dire faire en sorte, on va peut-être d'ailleurs en parler toi et Hybrinator, mais faire en sorte que les Occidentaux ou les Français, ils comprennent la référence. Par exemple, s'ils font dans le jeu original une référence à un chanteur japonais, par exemple, tu traduis le nom tel quel en France, bah, les gens, ils vont pas comprendre. Non, tu mets Michel Sardou. Donc tu vas mettre Michel Sardou, je sais pas quoi, et puis là, les gens vont comprendre. Et c'est de la localisation basique là dont je parle, hein. Mais il y a des trucs dont on... C'est toujours un peu délicat, parce que d'un autre côté, si tu mets Michel Sardou, les otakus vont râler, parce qu'ils vont dire « Ouais, non, mais après, dans la version de base, c'était ça... » Ouais. Là, on est dans l'adaptation. Ça me rappelle Boss D qui a voulu troller un podcasteur, en fait, qui fait des podcasts sur la chiptune, en lui disant « Vas-y, mets-nous, en fait, SingStar Johnny Hallyday. » Le mec a pas compris. C'est vrai, en plus il a vraiment fait, hein. ça m'a marqué, ça. Il est con ce Boss D, hein, putain. c'est pour ça qu'on l'aime, pour citer Zoidberg. Surtout que c'était pas SingStar, c'était You Sing Johnny Hallyday. Ouais, enfin bon, fin... Ah non, mais je tiens attention. Non, parce que Beyond des fans, c'est ça. Faut savoir. SingStar, c'était à bas. Bon, allez, passons. Je vous mets un petit lien sur le chat de Yacht Club Game. On fait Shovel Knight, oui. Qui en avait parlé de ces problèmes de localisation, justement. Alors, eux, c'était dans le sens inverse. Ils devaient localiser leur jeu de occidental, oui, vers Japon. Mais, C'est vrai que la petite bif de Yacht Game était super intéressante. Hein. C'était vraiment bien. Et donc, oui, pour repartir, pour ceux qui ne connaîtraient pas Zelda, hein, donc l'épée, normalement, c'est la Master Sword. Je ne sais pas pourquoi. Et elle a été traduite en Excalibur en français. Mm-hmm. Ce qui est, en fait, totalement cohérent, parce que du coup, quand on te dit « Ah, va chercher Excalibur », bah, toi, petit français, tu sais de quoi on parle, quoi. C'est va être une épée qui va casser les bouches. Voilà, tu vois tout de suite l'épée, tu sais, dans la pierre. En plus, elle est plantée, littéralement, elle est plantée dans un rocher, voilà. Dans la forêt. Donc, forcément, l'affiliation, elle est directe. Ouais. Donc, voilà. The Sword in the Stone. Et donc, voilà. Et il y a plein de travaux de localisation comme ça, parce qu'on parlait d'Alex Kidd plus tôt, mais il y a des boulettes de riz qui ont été transformées en burger, par exemple, dans ce jeu. Oh, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans la version qui est incluse en ROM dans les consoles Master System 1 et 2, l'onigiri devient hamburger dans la version occidentale. Voilà. C'est ça. Pas dans la version cartouche où ça reste l'onigiri. Mais encore ça, je peux totalement le comprendre. Mais, ouais, mais je veux dire, là, c'est pas seulement la traduction, le sprite a changé aussi. Oui, ça, c'est vraiment tout un. C'est pour ça que ces jeux sortaient peut-être. C'était compliqué de les sortir aussi parce qu'il y a des fois, il y avait des trucs. Oui, oui. Ils voulaient les changer pour être sûr que les gens comprennent, quoi. Oui, oui. Et soit dit en passant, au Japon, la Master System n'a jamais eu de jeu intégré. Ni la Mark III, ni la Master System. Donc c'était vraiment pensé pour le public occidental qui a. Ah, j'aurais préféré avoir la puce FM, mais voilà. C'est, ouais, mais moi aussi, c'est le sacrifice qu'ils ont fait un peu. Et... Alors, petite parenthèse, si vous voulez jouer à toutes les versions d'Alex Kidd Miracle World, j'ai bien dit toutes. Il est disponible pour une somme assez rondelette sur la Switch dans la collection Sega Ages. Et vous, je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est 7 euros, un truc comme ça. Enfin, bref, c'est 7 ou 8 euros, c'est relativement onéreux. Mais pour ce tarif-là, vous avez strictement toutes les versions du jeu. Japonaise, export, celle qui était dans les consoles, toutes les versions sont présentes et vous pouvez en plus vous amuser à mettre le son FM comme vous voulez. Et ah, bon, évidemment, c'est... l'émulation est parfaite, évidemment, j'ai envie de dire encore heureux. Hein oui, oui. Voilà. Et on a déjà parlé de Dagan Sega Ages, mais ils font bien le taf. Et donc, oui, on a donc, sur le coup Zelda 3. Voilà, tel le reflux démarré, l'histoire se répète. Non, c'est pas ça. Ça, c'est Secret of Mana. C'est l'autre. C'est pas grave. Et donc, on allait glisser vers pour rendre hommage à une personne disparue trop tôt, il y a quelques années. Mais oui, Véronique Chantel. Et d'ailleurs, je pense que dans le monde de la traduction de jeux vidéo, ça doit être le seul nom dont les gens se rappellent. Ouais, je ne connais aucune autre personne qui traduit, qui fait de la traduction, j'en connais aucune, je connais que elle. T'as Ebrinator quand même. Et ben moi, il y a un. Non, mais mis à part Ebrinator, on tous, mais quand même. Oui, mais je veux dire, à l'époque, elle était déjà célèbre, hein, parce qu'elle était interviewée dans les magazines, hein, chose qu'on ne voyait même pas pour d'autres traducteurs, c'est vrai. Mais... Ouais. C'était la première d'ailleurs traductrice, mais vraiment embauchée par Nintendo. Et qui était, ouais, elle avait eu des interviews quand Secret of Mana était sorti, je crois, elle avait été interviewée, ce genre de choses. Oui, oui, par Jack Bad. Ah ouais, oui, exactement. Et c'est une personnalité connue et reconnue, peut-être, je ne sais pas. Elle a travaillé sur de très nombreux jeux et surtout, elle a fait tout, c'est-à-dire ce qu'on entend parler jusqu'à maintenant. Elle a fait de bonnes traductions et elle a fait surtout un travail d'adaptation puisqu'il y a une chose dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est l'aspect technique de la chose, c'est-à-dire que petit peu comme on disait à l'époque que les musiciens qui faisaient des musiques pour les consoles 8 et 16 bits étaient à la fois des musiciens mais également des programmeurs. Oui, ben, l'idée c'est que en termes de traduction c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que il faut s'imaginer que lorsque les jeux sont prévus pour sortir au Japon ou même en Angleterre, ils sont prévus pour sortir donc des textes qui font une certaine taille, certaine longueur et avec des caractères précis. Lorsqu'on veut sortir un jeu en France, il faut déjà d'une part adapter l'alphabet utilisé avec un nombre incroyable de caractères accentués possibles et imaginables, et en plus se rendre compte qu'en France, l'équivalent mot pour mot prendra toujours plus de caractères. Bah oui, puisque une lettre prendra forcément moins de place qu'un idéogramme, qu'un anagramme, je veux dire, pas un anagramme, oui, un idéogramme japonais, ouais, je vais y arriver. Pour vous donner une idée, il y a quelqu'un qui avait fait un tweet là-dessus, justement, pour ceux qui ne savent pas trop ce que ça pourrait représenter, voilà, sur Twitter, on est limité en nombre de caractères, donc là c'est 260, à une époque c'était 180, et en gros, il y a un gars qui avait dit, bah voilà ce que les japonais ils peuvent tweeter, donc il tweet le tweet en japonais, donc on comprend, enfin moi je comprends que dalle, et il dit voici sa traduction française. C'était toute l'introduction de la partie 1 de Final Fantasy VII, en gros jusqu'à Midgar, quoi, tu sais, résumé et tout, donc ça faisait deux paragraphes au moins, tenait en un tweet en japonais, et en français ça aurait donné un truc qui ne rentrait pas dans le tweet. Et ben là c'est pareil. C'était ça le casse-tête, effectivement. C'était pareil, on avait une case... Il fallait faire rentrer texte. Mmh. Et en japonais, ça rentrait. Et en français ou en n'importe quelle autre langue, ça rentrait pas du tout. Mais c'était on a tous connu les jeux où le texte débordait hein, quand même. Hein, souvent dans la case. Il y en a encore même. Mais il y a aussi autre chose. Je veux dire, il y a le texte qui déborde. Mais il y a aussi, à l'époque des cartouches, tu as autant de place qui est allouée dans la ROM. Il ne faut pas dépasser. Donc, parfois, c'est peut-être pas aussi, surtout les traductions d'époque, c'est peut-être pas non plus la faute du traducteur ou du localisateur. C'est vraiment un défaut de place et de mémoire. C'est en partie pour ça que Secret of Mana 3, Seiken Densetsu 3 n'est jamais sorti en Occident. Parce qu'en fait, ils avaient tellement bourré la cartouche. Le jeu est magnifique et tout, on en a déjà parlé. Ils avaient tellement bourré la cartouche qui pouvait pas mettre plus de caractères. Donc en gros, il pouvait pas traduire le jeu. C'était pas voilà. D'ailleurs, impossible. Si tu parles de Seiken Densetsu, le premier épisode sorti chez nous sous le nom Mystic Quest est aussi un très bon exemple, ce dont on a parlé. Il est sorti en français et il n'avait pas de caractère accentué. Oui. Non. Ah, la traduction, j'en garde un très très mauvais. Avec épée A, épée B, épée C. Ouais. Là, on arrive quand même sur les traductions qui peuvent poser problème, hein, quand même. Mais pour revenir un peu, voilà, comment dire, à notre invité, j'ai en fait une question qui est vraiment toute bête. Mmh. Est-ce que tu es payé au contrat ou à la ligne ? C'est en fait, je pense qu'il y a peut-être, comment dire, un malentendu là-dessus, non ? Bien souvent, c'est payé au mot, en fait. D'accord. Ah oui. Et au mot source, bien sûr. Hein. Je peux pas m'amuser à faire une cible beaucoup plus longue pour gagner plus. Ça marche pas. C'est dommage. Mais c'est bien dommage, ouais. Globalement, oui, c'est plutôt comme ça. Après, il me semble que dans certaines... dans certains studios, il me semble qu'il y a des traducteurs salariés aussi, mais là je dis peut-être une bêtise parce que je connais moins ce secteur-là. Et oui, c'est au... même pour être précis, c'est au nouveau mot, parce que dans certains jeux ou autres projets, il peut y avoir vraiment beaucoup de répétitions. Et donc sur les mots qui sont des répétitions, il y a une réduction qui est appliquée. Souvent, ça marche comme ça. Ah merde. Ah okay. Ouais. Ah. J'ai jamais pas, pensé ça. C'est sale. C'est ça, carrément. Ah oui, par exemple, s'ils vont plusieurs fois à la caverne mystérieuse. Et qu'il parle plusieurs fois de cette caverne mystérieuse, et bah, ça te compte toi comme un seul, enfin deux mots du coup. Pas forcément, si le, ça dépend comment c'est fait. Ouais. Si le, si ta caverne mystérieuse est dans une phrase de deux lignes et qu'elle apparaît dans, je sais pas, dans cinq phrases de deux lignes, bon bah le logiciel détectera pas ça forcément comme une analogie. D'accord. Parce que enfin, je parlais des l'épée mana par exemple, là effectivement vu le nombre de fois que c'est répété dans le jeu. Bah si oui, si c'est un terme isolé, oui. Après c'est parce que je parlais des répétitions pures qu'on appelle des 100%. Mais ensuite il y a aussi le logiciel calcule des pourcentages d'analogie qui vont jusque j'ai plus le chiffre en tête, disons autour de 75%. Donc voilà, s'il y a enfin 75% de la phrase qui est identique à une phrase précédente, ce sera moins payé. Oui, d'accord. Et tout ça, mais c'est vérifié par des logiciels à ce moment-là. Il n'y a pas quelqu'un qui regarde. C'est ça, oui. On a les logiciels de traduction assistée par ordinateur qui font l'analyse, en fait. Et... Ah ouais, ouais. Donc, voilà. C'est marrant. Parfois, c'est aussi payé tout simplement en mots sources. Et on dit, il y a tant de mots et tu seras payé le nombre de mots. Oui, ça va dépendre du contrat et ça va dépendre de la boîte qui va t'employer aussi. Oui, ça dépend du type de projet aussi. Parce que les analogies peuvent être parfois vraiment très différentes. Par exemple, si on commence un tas de phrases par oui, virgule et derrière quelque chose, la phrase est quand même différente. Pourtant, il y a oui tout le temps qui est une analogie. Donc, ça peut dépendre du projet. Pour rester là-dessus, quoi, c'est que est-ce que c'est quelque chose qui a évolué et qu'à l'époque justement de Véronique Chantel, c'était déjà comme ça ? Je connaissais pas, je travaillais pas vraiment à l'époque, mais je pense que le métier a pu changer, quoi. Donc, je pense que les logiciels de TAO étaient moins avancés. Moins performants, oui. Et ensuite, après, je sais qu'il y a certaines ROM, mais ça, c'est plus pour les ROM hack et tout ça, où il faut aller bricoler en hexadécimal et. Ouais. C'est voilà, maintenant il me semble qu'il y a des outils qui se sont améliorés, mais là j'ai peut-être des bêtises, j'avais commencé à faire des recherches là-dessus cet après-midi, mais j'ai pas assez approfondi. Il y a pas mal d'outils en fait qui permettent de faire des trades. C'est généralement des trucs qui sont spécifiques à certains jeux, voire à certaines séries, il me semble. Parce qu'à un moment donné, je voulais faire un ROM hack, je crois que c'était Pro Wrestling pour NES. D'accord. Changer des noms et faire des trucs comme ça. Et voilà, malheureusement, j'avais pas trouvé pour le jeu, mais j'ai vu que c'était vraiment très très spécifique. J'ai vu que sur ROM hack, il y a des forums qui parlent de tout ça. ROMhack.org. En ce moment, c'est .org parce qu'apparemment .net et en maintenant c'est. Mais c'est vrai que sinon, oui, t'as raison, c'est .net. Je vais pas m'étendre sur. Parce que du coup. Parlant de ROM hack, ça fait penser à d'autres trucs dont on parlera peut-être après. Oui, oui. Donc là, par contre, je veux pas dire, mais les enfants sont couchés. Je pense qu'il est l'heure de l'anecdote. Ah oui, oui, oui. Anecdote time, c'est ça. Non, mais je me demandais si elle allait sortir, tu vois. Ah bah j'ai dit qu'on parlerait de bâton de joie après, là, évidemment. Ah, okay, okay. Donc, il se trouve que je vais pas raconter ça. Allez, vas-y. Ah non, toi, vas-y. Mais pas, moi, je peux le faire, hein. Vas-y, vas-y, moi. Moi, je peux le faire, hein. Alors, on sait pas, mais moi, les gens pensent que tu es pur, tu sais que tu vas... C'est ça. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Donc, alors c'est une anecdote, c'est pas une anecdote qu'elle a racontée elle-même, donc après c'est peut-être à prendre avec des pincettes, hein, je ne sais pas. C'est donc Claude Moïse qui est un traducteur allemand de l'époque. Donc quand, en gros, quand il finissait de traduire les jeux, il semblerait que chez Nintendo, il faisait venir les traducteurs au Japon pour injecter la traduction dans la cartouche, quoi, dans la ROM du jeu, je sais pas, enfin bref. Du coup, pendant un de ses voyages, ils étaient tous les deux, et ils visitaient Kyoto. Et du coup, en faisant du tourisme, ils passent devant un sex shop, et Véronique, je vais aller acheter des souvenirs pour les collègues en France. Alors déjà, premier drama, c'est une fille qui rentre dans un sex shop japonais, elle a fait fuir toute la clientèle, parce que c'est... Ils ont jamais vu de fille de leur vie, les gars. Enfin, faut les comprendre. Hein, non, ça. Mais j'imagine la chose. Effectivement, c'est. Donc, premier souci. Et ensuite, du coup, elle aurait acheté donc un magazine porno gay pour un de ses collègues et un sextoy, mais on va dire Time House, quoi. Hein, le Big Jim. Le King Size, quoi, ouais. Et du coup, le lendemain, elle a un repas d'affaires avec Tezuka, hein, quand même, carrément. Takashi Kezuga, et donc c'était pour Link's Awakening, je crois. Et il lui dit, alors comment vous trouvez la ville et tout? Et là, bah, la madame elle dit, ah, c'est super, on a fait du tourisme et tout, regardez, on est allé dans un sex shop, on a acheté ça. Blam! Et là, elle sort son truc porno et son gros truc mouse. Et le gars il devient genre pas le genre blanc. Le patron japonais, Blanc Neige, quoi, qui était à la limite de l'AVC, ouais, c'est ça. Et on va dire, elle, ça la dérangeait pas du tout, mais tout le reste de toute la salle, même le gars à côté, l'allemand, il était là en mode, oh putain, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire là. Et du coup, bah, il se trouve que une semaine après, elle se faisait virer quand même de chez Nintendo. Hein. Bah alors, ça voudrait dire qu'en fait son dernier jeu Nintendo c'était Link's Awakening, quoi. Je crois que c'était Link's Awakening, mais je suis pas sûr. Et la traduction de Link's Awakening, je la garderai toujours dans mon cœur. Avec le gland, voyou. Le petit voyou. Je vous le mets sur le chat. Parce que là, je vois que je l'ai mis en résumé. Hein, j'ai pas les. J'ai pas tout. Elle a fait Secret of Evermore aussi, mais Secret of Evermore c'est sorti avant ou après? Je sais pas. Je ne sais pas. Et alors, pour la petite anecdote, tu as parlé de Monsieur Moïse, l'allemand, le traducteur allemand. D'ailleurs, il est allemand, je ne sais pas comment se prononce son nom, mais je crois que c'est Moïse. Ce monsieur est quand même également resté extrêmement célèbre, parce que nous, on n'est pas allemands, mais les Allemands s'en souviennent, parce que lui aussi, les allusions sexuelles dans les traductions des jeux Nintendo qu'il a fait, il y en avait plein. Mm-hmm. Lui aussi, c'était un fiefé coquin. Oui, et oui, il est resté célèbre pour ça. Donc, pendant que nous, on était avec notre ami Véronique en France, lui, il traduisait donc tout ce qui est Secret of Mana, Link's Awakening. C'est lui qui s'en est chargé chez nos amis germains. Et il se trouve que il a aussi gardé une réputation de. Alors, malheureusement, je ne parle pas allemand. J'ai trouvé un article en français qui raconte ça. Mais voilà. Donc. Mais ça, c'est des allusions que n'ont eu que les Allemands, au final, pas nous. Mmh. Ah oui, non, que les Allemands, parce que chaque version était spécifique, un peu comme le voyou ou le... D'accord, oui, le voyou. Ou le fameux « Yo, j'ai la pêche de la grand-mère » dans Link's Awakening. Tu t'amuses, toi, des fois Mais le Ramolo, je me souviens, ouais. Par contre, le truc d'avant, je me souviens plus. Ouais. Non, mais c'est vrai que faudrait y prêter attention, mais je pense qu'il y en a... Tu t'amuses, toi, Hybridator, des fois, à balancer des... Bah, c'est pas toujours facile de glisser des trucs comme ça. C'est assez compliqué à faire, mine de rien. Parce que bon, après, si c'est trop flagrant, ça se voit trop. Et puis, c'est pas forcément. En plus, en faire trop après, c'est vraiment trop. Bah voilà, c'est pas un jeu, quoi. Mais C'était pas dans la trad du mode je sais plus trop quoi aventure ou je sais pas trop quoi de Minecraft où le mec en fait a foutu des références à la Cité de la Peur. Je suis pas sûr mais il me semble que oui. Je sais pas, Timon. Alors si tu veux de la référence à la Cité de la Peur, j'en ai après mais ça fait. Ah bah vas-y, fais péter. Ben non, parce que c'est par rapport. Et alors là, putain, Bigger Noob, c'est ton moment. Non, parce que Bigger Noob posait des questions par rapport au traducteur de Pokémon, mais je crois qu'on saute une étape là, non? Oui, oui. Peut-être en parler après. Je suis allé voir entre deux et la boîte qui sort le logiciel de référence pour la TAO avait sorti son premier logiciel en 90. Mais à côté de ça, bah, peut-être qu'il y en avait avant. J'ai fait juste une recherche rapide. D'accord. Mais en tout cas, ouais, le plus courant, c'est le premier est sorti en 90. Mm-hmm. Mais après, il reste à voir si les fichiers de jeu étaient. Enfin, de toute façon, c'est quasiment certain que non. Mais faut voir comment les gars bossaient sur les. Bah, comment. Quel format ils récupéraient les textes pour travailler dessus. Et, parce que c'est pas certain que le logiciel en question, enfin celui de 90 en tout cas, était capable d'exploiter un format bien spécifique. Et, ouais. Voilà. Par exemple, ne serait-ce que maintenant, hein, pour les PDF, c'est souvent compliqué. Et en particulier si c'est un PDF au format image. Là, c'est. Bah, voilà, oui. il faut une reconnaissance avant. Même encore maintenant. Ben, il faut une reconnaissance. Et si la reconnaissance foire entre guillemets, c'est pas toujours très simple pour les PDF. D'accord. Il vaut mieux avoir un format Word ou pas mal de formats qui sont pris en charge, mais. Après, le PDF peut passer dans certains cas, mais ça donne pas toujours un truc. Il y a souvent une mise en page à refaire ensuite. Qui n'est pas mon boulot et parfois on me demande de le faire d'ailleurs et ça, j'aime pas ça, mais bref. Effectivement, oui. Et donc, je voulais faire une rapide parenthèse, parler d'une chose. On a dit que des jeux de l'époque 8 et 16 bits n'étaient pas traduits en français pour beaucoup, certains mal, et on a oublié de mentionner, même si on s'en doute, qu'il y a nombre de jeux qui n'ont jamais atteint nos contrées. Ouais. Et donc, sur le coup, je voudrais notamment mentionner certains jeux Super Nintendo, Super Famicom à l'époque, qui n'ont même pas eu de traduction anglaise, à savoir les fameux Star Ocean, Tales of Phantasia, on a eu Live Alive, Bahamut Lagoon, Seiken Densetsu 3. Ouais. Alors, des petits jeux pas terribles, on est d'accord, Far East of Eden Zero. Mario RPG a eu droit à une version US quand même. Oui, il y a une version US, mais bon, une version française serait et été pour bien. Pour tous ces jeux, bah, je voulais parler d'une chose qui va apparaître assez rapidement avec l'avènement de l'émulation quelques années plus tard. Le ROM hacking et surtout les fan-trad. Les fan-trad, c'est ça. Et parler notamment sans doute du groupe de traduction anglaise le plus connu qui s'appelle Dejap, qui s'appelait Dejap, qui n'existe plus, qui a officié donc dans la seconde moitié des années 90 et au tout début des années 2000 pour nous offrir certaines traductions de jeux. Ben, je parlais notamment de Star Ocean, de Tales of Phantasia ou de Bahamut Lagoon. C'est à eux qu'on doit les traductions de tous ces jeux-là. Des jeux qui nous faisaient bien envie dans les magazines, hein, tellement lisés. Ah, mais totalement. Et donc, ce que faisaient ces équipes, c'est pas seulement donc traduire, essayer de garder l'esprit original de l'histoire, c'est-à-dire faire les choses correctement, et en même temps être limité à. Donc, c'était vraiment du ROM hacking, aller chercher les textes, les tables de codage, les endroits où étaient stockés les caractères, pour ensuite pouvoir littéralement tout encoder dans la cartouche. Tout en étant un peu limité, bah, toujours comme on l'a dit, que par la taille d'origine du jeu, qui est censé pas pouvoir, elle, bouger. Et en France, on a eu un groupe aussi de traduction qui nous a traduit certains titres, qui s'appelle Terminus Traduction. Alors, Terminus Trad, à l'époque, il faisait quand même un peu loi, hein, sur les traductions. Je pense qu'on en a tous entendu parler, qu'on a tous joué à des jeux traduits par Terminus Trad. Que ce soit Mario RPG, que ce soit Final Fantasy VI, par exemple. Bah, c'est simple, de toute façon, ces jeux-là, les jeux qui étaient traduits par ces gens-là laissaient leur signature, de toute façon, dans le jeu après. Hein. C'est traduit par. Quand tu lançais la ROM, c'était indiqué. Donc, oui. Il n'y avait pas de souci. Donc, les patchs IPS, soit vous téléchargez la ROM qui était déjà patchée, soit vous allez chercher un petit patch IPS avec un petit logiciel pour vous occuper de ça. Et j'avoue que moi, j'ai découvert plein de jeux à l'époque grâce à l'émulation, via l'émulation. Bah oui, c'est clair. Ah bah moi, pareil. Hein. Tu citais Mario RPG. Oui. Clairement, celui-là, j'aurais pas joué sans leur trad. Alors après, bon, leurs trad sont perfectibles, mais quand tu connais les contraintes techniques qu'il y avait... Bah c'est ça, et puis il faut garder à l'esprit aussi que ce sont des bénévoles. Et c'est bénévole. Donc, voilà. Bon, franchement, quand il s'agit de traduire un RPG, c'est un boulot monstre. Hein. C'est sûrement ce qui est le plus difficile comme jeu en plus. Ça rendait le truc complètement jouable, c'était vraiment génial. T'as cité les jeux qui faisaient vraiment le plus envie, en plus, Guillaume, hein, entre Bahamut Lagoon et puis Seiken de Tetsu 3, franchement... Ils choisissaient aussi généralement pas mal justement les traductions avec des jeux que les gens voulaient. Oui, forcément, quoi. Glaboon, c'était le Shining Force de Squaresoft, hein, quand même. Ça faisait vraiment... des dragons. Ah ouais, des animations de fou. Voilà, donc c'était l'univers de quand tu découvrais. Quand tu découvrais au début des années 2000 que si tu voulais avoir des émulateurs. Oui, déjà. T'étais déjà en mode. Voir à la limite fin années 90. Oui, enfin, après, il fait l'expansion de la micro-informatique, tout ça. Et d'internet, je veux dire, tout le monde n'avait pas. C'est vraiment au début des années 2000 que l'émulation a explosé. Avant, je pense que tout le monde n'avait pas internet et c'était vraiment balbutiant. Mais justement, à moins que tu veuilles en parler plus tard, mais on est pour Seiken de Tetsu 3. Voilà, maintenant il a une traduction officielle et vraiment propre, quoi, depuis peu. Je sais pas si tu voulais dire. Il aura fallu attendre combien d'années ? Du tout, voilà, mais. Jamais j'y croyais, quoi. Jamais. Mm-hmm. Ce qui est d'autant plus bizarre dans le choix de Konami, de Square Enix aujourd'hui, en plus, c'est d'offrir une. Et salut maman. C'est d'offrir une traduction toute neuve à Seiken Densetsu 3 et de très grande qualité. Et à côté de ça, de mettre les traductions originales de Mystic Quest et Secret of Mana. Genre notamment, pourquoi ne pas avoir repris celle de Mystic Quest qui représente pas un nombre de mots fantastique, je pense. Ouais, et puis celle de Secret of Mana, ils en avaient déjà une nouvelle traduction qui existe déjà en fait. Oui. La version iPhone, qui est une traduction excellente. Voilà. Même si sur le coup, j'étais content d'apprendre l'existence du verbe rosser à l'époque. Bon, tout de même. Ah bah oui. Est-ce que la nouvelle ça leur donne des cachets, ces vieilles traductions qui des fois sortent des mots sortis nulle part ou tout des phrases un peu alambiquées. Mais c'est particulièrement ce genre de choses que j'aime bien faire. C'est glisser des termes comme ça qui sont pas forcément les plus utilisés. Enfin, en tout cas, bien. Enfin, faut absolument que la situation s'y prête. Mais si un verbe particulier me vient en tête et je peux le placer, je vais pas me priver. Bon, après, comme je disais, je vais pas le faire sur toute la trad, ça devient une private joke, mais avec moi-même, quoi, ou avec les traducteurs qui je bosse sur le coup en question. Ce qui est génial, c'est que ça reste dans le temps. On s'en rappelle encore de ça. C'est vrai. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès pour ça, mais en tout cas, mais c'est vrai que ça a marqué beaucoup de gens, effectivement. Mm. Mais ça sonne bien, hein, en plus, quoi, dans le jeu, quoi. Je trouve que c'est pas... Bah c'est ça. Moi, je trouve que ça passe très très bien. Ouais, complètement. Et tout ça pour, sur le coup, avancer un petit peu dans le temps après l'ère 8-16 bits, parce qu'il est déjà 22h40, vous rendez compte? Ouais. Oui. Je voulais quand même finalement parler de Pokémon, mais... Oui, je pensais parler de l'époque moderne à partir de maintenant, c'est-à-dire vraiment la généralisation des traductions et comment ça s'est passé. Donc, enfin, sur le coup, ça va inclure les jeux Nintendo. Mmh. Juste rappeler les faits. À l'époque, Sega prévoit sa Saturn, Sony arrive avec sa PlayStation à coût de pubs et de millions de dollars de promotion. Bref. Et de spots de David Lynch. Ouais. Et donc, sur le coup, Sega s'entête, malheureusement, à ne pas traduire ses jeux. Et va nous offrir des jeux fantastiques sur Saturn, on en a déjà parlé un paquet de fois, mais ouais, qui resteront en anglais. On pense à Story of Thor 2, Dark Savior, ouais, Mystaria, Shining the Holy Ark, Shining Force 3, ouais, Panzer Dragoon Saga, Deep Fear. Il était en anglais, Dark Savior ? Oui, oui. Non. Je m'en souviens déjà plus. Tu l'as fait en stream ? Bah oui. Et donc, voilà, tous ces jeux-là n'ont pas été traduits. Sega n'a... je veux dire, c'était dans l'entêtement absolu de Sega qui disait non, il n'y aura pas de localisation. Sony, bien décidé à imposer sa PlayStation et à vendre sa PlayStation partout, eux, ils ont dit par contre, jeux seront traduits. Et on est arrivé donc dans cette fabuleuse ère moderne où la traduction des jeux en français a commencé à devenir systématique avec malheureusement des qualités parfois très très aléatoires. Ouais, voilà, on pouvait sentir cette précipitation des fois, j'imagine quoi, enfin, je sais pas. Et je veux dire, pour moi, l'alpha et l'oméga, à savoir celui qui représente le meilleur et le pire exemple à la fois, c'est le même toujours, celui dont on a toujours parlé, dont on reparlera toujours, c'est Final Fantasy VII. Il y en a un autre. Oh, j'aurais dit Metal Gear, tu vois, moi. Mais je veux dire, FF7, c'est quand même le jeu qui était fait dans le but. Sony est allé chercher Square pour leur demander, partez de chez Nintendo, venez chez nous pour sortir Final Fantasy VII. Ils ont dit, on va le traduire dans toutes les langues pour que tout le monde achète notre jeu en masse. Et on a eu droit à une version française qui fait qu'à l'époque, je pense que personne n'a compris le scénario sur le coup. En tout cas, il y avait quand même de grosses zones d'ombre. J'ai compris le... Alors... J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça à un moment, mais j'ai compris le scénario d'FF7. Enfin, j'ai beaucoup mieux compris le scénario d'FF7 quand j'ai regardé le résumé en anglais du jeu qui faisait sur le Blu-ray d'Advent Children. D'accord. Notamment cette phase de. Est-ce qu'on. Ah non, on va peut-être pas parler du scénario d'FF7 parce que là, on spoilerait les générations futures. Bah oui. Mais il y a un élément, un personnage très important, j'avais pas compris ce que c'était, qui c'était, pourquoi. Et en regardant ce résumé, je me suis dit, ah putain, oui, bah oui. Moi, j'ai pas eu de problème avec la traduction française, étant donné que la version que j'avais, c'était une version pâle, mais anglaise. À partir de là, jamais eu la version française. Mais cela dit, beaucoup disent que les problèmes de traduction française étaient en partie hérités de la version anglaise, qui était elle-même déjà pas forcément fantastique. Oui. Certainement. Après, on n'avait pas les problèmes de typo. Oui. Parce qu'il y a ça aussi, au-delà de la traduction peut-être hasardeuse, il y avait aussi des problèmes de typo. Dans... Ouais, mais il y a des fois. Il y a des fois, t'avais vraiment l'impression, le mec, il a commencé une phrase et il a fait tomber la chips par terre et il appuie sur entrée pour passer à la phrase suivante et c'est pas fini. Moi là il faudrait que tu ressortes l'image que tu nous avais montré hier là. Ah oui, alors je sais plus si c'est moi, mais oui attendez. Celle que je pense, oui, elle est magnifique, oui, ça bah, elle est terrible parce que là tu dis c'est juste une succession de voyelles, il n'y a pas de phrase en fait, c'est derrière, voilà, c'est tout. C'est passé, un chat s'est assis sur le clavier. Mais c'est possible. Ça, c'est des c'était l'ami Ryudo, mais c'était à ça que je pensais en fait. Ouais. Enfin, attention, un chat assis sur le clavier, comment dire, c'est tardif, le chat de Colette. Hein. Oui, ou le mien. Le feu aussi. Mais tous les chats font ça. Hein. Oui, non, mais bon. Et donc après, pour parler rapidement, donc puisqu'on est dans les traductions PS1. Je pense que Pelle avait envie de nous citer un petit exemple. Oh, oui. Bah, le fameux Breath of Fire. Une traduction bof. Ouais. c'est même pas bof. Hein. Là, on est au-delà. Je pense qu'on est au-delà de bof. Une traduction qui t'empêche de finir un jeu. Voilà. Alors, oui, voilà. Parce que il y a le fameux problème du désert de la mort où il t'indique pour sortir un itinéraire à prendre. Tu sais, genre 3 cases à l'est, 3 cases à l'ouest et tout. Sauf qu'ils ont confondu l'est et l'ouest et donc c'est impossible d'en sortir. Enfin, moi, j'ai jamais pu. C'est non, mais tous ceux d'époque qui ont joué au jeu, ouais, qui ont joué à la VF, on n'a pas fini. Quoi. C'est... Moi, j'ai pas pu quitter le désert, et c'est dommage, ouais, parce que le jeu est très bien, mais il y avait quand même en plus d'autres soucis dans le jeu, où, qu'on citait depuis tout à l'heure, comme les phrases qui se finissaient à l'extérieur des cases de dialogue, ouais. Y avait vraiment beaucoup de problèmes de traduction dans le jeu. Ouais. Ça, non, ça, par contre, question de compréhension, il n'y avait pas de problème. Bon, c'était pas un scénario très développé non plus, mais le jeu est excellent. Mais ouais, on était... Il y a un jeu particulier qui a été traduit en français. Hein. Oui. Un certain Legend of Horizia. Oh, ah bah ouais. Alors, t'étais obligé de le placer. Il a été traduit en français. Mais c'est ce que j'allais dire. Il y a des jeux qui sont improbables, qui ont connu des traductions françaises alors que voilà, et qui sont plutôt réussis. Oui. Alors, des jeux qui ne sont pas forcément des RPG. Moi, je pense notamment par exemple à Incredible Crisis. Pardon, je rigole parce que je connais. Mais non, mais la version française, elle est bien en vrai. Oui. Ou alors moi, un de mes jeux PS2 que je cite toujours de l'amour, Mister Mosquito. Oui, Mosquito. Hein. Traduit en français et doublé en français. Doublé en français. Pourquoi ? On était trois à l'acheter. Pourquoi ? Bah, tu sais, tu parles de doublage français. Kudelka sur PS1. RPG de Sacnote. Hein ? Personne ne connaît. Qui sort en France, en Europe déjà, on ne sait pas pourquoi il est sorti, traduit intégralement en français, doublé intégralement en français. Mmh. Mmh. Ce qui, à l'époque, était totalement inconcevable. Après, à un moment donné, à partir de la PS1, est-ce que c'était pas aussi un argument marketing ? Tu veux qu'on se tire l'oreille ? Tu veux qu'on se tire l'oreille ? Pardon. Est-ce que c'était pas aussi un argument marketing, tu sais, tu mettais sur la boîte jeu intégralement en français, et puis et à la limite tu pouvais espérer arnaquer une personne ou deux, quoi. Peut-être, mais après il y a des jeux, effectivement, un jeu comme Jet Cocoon qui était aussi traduit en français, tu te dis, ah oui, pourquoi lui ? Parce que c'est pas un jeu, tu sais que tu vas pas en vendre. Tu vas pas en vendre particulièrement, et ils sont pas trop vrais, parce que le jeu c'est assez peu vendu au-delà de ses qualités de jeu. Quoi, tu te dis, mais sur quels critères il se base pour la localisation ? Qu'est-ce qui fait qu'un jeu se dit, ce jeu, on va le localiser, on va le traduire. C'est vrai, comme disait Beyond, il y a des jeux, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi ? Peut-être pour occuper leurs équipes de trad, mais plus sérieux. Je pense que Sony, enfin, vu que Sony a montré qu'en traduisant certains jeux, on avait Vandal Hearts, j'en ai déjà parlé, mais quel enfer faites-vous là au début du jeu ? Oh, ouais, c'est excellent ça. Mais quel enfer faites-vous là, de quoi ? À quel moment le gars s'est dit c'est bien, ça doit être ça, passe quoi, c'est pas. T'as le gars, il a pris le dico mot à mot. Alors what ? Quel... ou alors déjà les enfer. Fois, il y avait déjà des bottes en fait. Et après donc Sony, ils ont Sony sur le coup a montré que quand même voilà le public européen, si tu lui traduis les jeux, même si c'est pas bien fait, ils achètent les jeux. Mais donc, je voulais parler donc de... À contrario, tu sais, Vagrant, il a été traduit, il s'est pas vendu. Hein. Oui. Et l'autre éditeur, sur le coup, qui a pris le pli de traduire la majorité de ses jeux, et là, par contre, de bien le faire, c'est Nintendo. Oui. Eux, ils ont mis la max sur... Toi, moi, t'avais envie de nous parler de certains jeux en particulier, d'un jeu en particulier. Alors, moi, j'ai un jeu... Alors, je sais pas du coup, parce que maintenant avec cette histoire avec Big Hornoop, j'ai deux jeux que je voulais parler, donc je sais pas. Non, vas-y, go. C'est le moment, moi. C'est le moment, moi. Bon, alors, déjà, on va parler de Pokémon. Voilà, parce et que. Et on va chanter. Un jour, je non. serai. Merde. Mais Pokémon, pour moi, fait partie de ces jeux qui ont une bonne traduction. Très bonne traduction. Ah, mais oui. En termes de traduction, ils sont intestables. Le traducteur. Enfin. Je pense qu'ils étaient plusieurs, hein, mais on va dire le traducteur principal, hein, c'est Julien Bardakoff sur les rouge, bleu, or, argent. Ouais. Et il avait donné une interview que je ne retrouve plus, mais je suis sûr je sais pas, parce que j'ai pas le temps de chercher, mais je suis sûr qu'elle se trouve facilement, où il expliquait justement comment ça se passait, cette traduction. Alors, en gros, pour Pokémon, au début, Nintendo, ils avaient dit, bon, alors tu traduis les textes, les dialogues et tout, par contre, les noms des Pokémon, ils sont parfaits, t'y touches pas. Donc, ils avaient la liste des noms de Pokémon et ils disaient, mais le problème, c'est que là, bah, les gamins, ils vont rien capter, quoi. Enfin, ils vont avoir des noms chelous, ils n'arriveront même pas à les prononcer. Ouais. Il a essayé vraiment de convaincre Nintendo pour dire, il faut traduire les noms. Et Nintendo, ils ont dit, non, mais vous n'arriverez pas à faire aussi bien, en gros. C'est mort et tout. Et du coup, il a rusé un peu et il a dit, bah oui, mais pas prenez ce Pokémon là, donc un Pokémon qui s'appelle Itokage, donc en français c'est devenu Salamèche. Il a dit bah voilà, en français Kage dans certaines régions bah ça veut dire chier. C'est ça. Et là Nintendo ils ont fait ah. D'ailleurs dans SF5 il y a un perso qui s'appelle Kage, enfin bref. Oui. Oui. Ah mais du coup c'est comme ça qu'il les a eu. C'est en montrant des exemples de ce type là qu'il les a eu. Ouais. Alors maintenant en France mais maintenant au Kage ou ce genre de choses on c'est oui, courant c'est mais à l'époque on était avant les années 2000 hein, donc. Et il a dit voilà et là ils ont commencé à dire ah mince faudrait peut-être qu'on réfléchisse. Et du coup, ils avaient vraiment après des séances de brainstorming où ils essayaient de trouver des noms. Et ils retournaient voir Nintendo en disant voilà, on a ce nom-là parce que dans les légendes, je sais pas, Celtics et tel truc et tout. Enfin voilà, il fallait qu'ils expliquent tous les noms à des Japonais, qu'ils expliquent toutes les références et tout pour valider. Et que ça fasse en plus un jeu de mots. Quoi. Et il fallait qu'il y ait un jeu de mots et il fallait que ça retranscrive aussi l'esprit du jeu de mots d'origine. C'était une traduction extrêmement complexe. Et du coup, par exemple, il prend son exemple de son Salamèche. Il dit voilà, Salamèche, une petite salamandre, c'est une petite mèche, petite flamme. Ensuite, on a Reptincelle, c'est un reptile, un peu plus gros, une grosse étincelle. Enfin, voilà. Et quand tu prends une flamme plus une étincelle, ça fait du feu, donc Dracofeu, qui est encore un dragon, encore plus grand, qui crache des flammes. C'est vraiment difficile hein, comme exercice. Et voilà. Et il peut, justement, c'est. Moi, il peut très bien, pour ce genre de truc, bah, je vais pas forcément avoir l'idée, mais ça va être des amis joueurs ou quelque chose comme ça. En tout cas, ceux à qui je peux parler du projet, qui vont me dire « Ah, mais ça, qu'est-ce que t'en penses comme idée ?» Je dis « Ah ouais, c'est pas mal. » Mais clairement, c'est pour ça je pense qu'ils étaient vraiment plusieurs, hein, parce qu'il y avait plus de pain, il y en avait, voilà. Il y en a un qui est assez marrant, parce que il a... Alors, c'était Tadmorv et Gros Tadmorv. Alors, je sais plus comment il s'appelait en japonais, mais en gros, c'était une onomatopée. Tu sais, c'était quand tu touches un truc dégueulasse, visqueux, c'est, ça fait un... Enfin bref, c'était cette onomatopée-là, mais en japonais. Et du coup, bah, il l'a carrément appelé Tadmorv et Gros Tadmorv, quoi, parce que quand tu vois la gueule du Pokémon... Tu sais que moi, je m'en suis jamais remis. Et en fait, j'en parle parce qu'il a reçu... Une... ou un truc comme ça en japonais. Ouais, je sais plus, enfin bref. Et en fait, il a reçu une plainte de Famille de France pour celui-là. Oh, mais ceux-là, quoi, mais c'est pas vrai. Alors que c'est l'un des meilleurs noms de Pokémon, Gros Tadmorv, quoi. Ça, et son porifié. Pour aller... Juste voilà. Pour aller un peu plus loin, là, par rapport, tu parles de Pokémon, il y a un autre jeu qui est sorti après qui a bénéficié aussi d'une fabuleuse traduction, c'est Yo-kai Watch. Ah, j'allais dire de sortir assez, mais Yo-kai Watch aussi a connu des vraies adaptations où chaque nom, comme tu dis en français, est un jeu de mots, une référence et quelque chose à la fois qui évoque le yokai. Donc, c'est encore plus compliqué. Pour le mon exemple préféré, c'est le yokai qui s'appelle Pégase, qui a une tête en forme de cul. Ah et, oui, d'accord. D'accord. C'est de ce niveau-là. Mais en vrai, c'est vachement bien. C'est excellent. C'est quand même bien trouvé. C'est excellent. C'est excellent. Pardon, mais. Dans un autre genre, mais des Pokémon, il y en a qui sont extrêmement bien trouvés et très subtils. T'as les trois oiseaux légendaires, Sulfura, Articodin et Lector. À chaque fois, c'est l'élément du Pokémon. Donc Sulfura, c'est le feu, avec le dieu du soleil, Ra, Articodin, Artic et Odin. Tu vois, et Lector, électricité et Thor. Ah ouais, c'est pas mal. Et ceux-là, ils sont bien trouvés aussi. Mais ouais, c'est quand même assez rare de renommer... des noms de personnages. Quoi. Parce que par exemple, tu vois Animal Crossing, tu vois, Marie, par exemple, chez nous. Chaque pays elle a un nom différent. Oui, hein. Ils appellent en anglais, Melinda en allemand, Shizue en japonais. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de changer tout ça en réalité, quoi? Ben, vu que c'est pour destiner souvent un public plutôt jeune, il faut capter leur attention avec des choses qu'ils peuvent soit comprendre, soit demander. Parce que un des projets de Pokémon aussi, il expliquait, il disait qu'il fallait que certains noms soient assez compliqués. Pour que les enfants aillent voir leurs parents ou leurs grands-parents et parlent du truc avec eux pour leur dire mais pourquoi il s'appelle Feu Faux Rêve par exemple, enfin, Feu Follet, tout ça, enfin tu vois ce genre de conneries. Oui. Et il y avait aussi cette volonté. Donc il faut que les gamins soient accrochés, mais il faut qu'ils aient une réflexion, quoi. Plus après, il y a eu le dessin animé, donc il fallait aussi que ça concorde avec ça, et enfin ça a dû être aussi. Une cohérence entre les deux. Il a été consulté pour le dessin animé et tout, et d'ailleurs, un de ses plus grands regrets, hein, c'est le doubleur qui appelle Pokémon. Il l'appelle Rookoops dans le dessin animé, alors que lui, c'était pas Rookoops, c'était Rooku. Un Pokémon qui il donne des coups. Tu vois ah oui, oui. Ah oui, oui, il prononce le P. Ouais, ouais, d'accord. Et dans le dessin animé, ils ont appelé Roucoups, et du coup, tout le monde l'appelle Roucoups, alors qu'en fait, bah, il dit, bah non, c'est Roucou. C'est Roucou. Ouais. Et encore une fois, il y a une évolution. Le premier, c'est Roucoul, donc il est petit, il est cool, quoi, il fait pas de conneries. Après, il grandit, c'est Roucou, il tape un peu plus fort, et l'évolution finale, c'est Roucarnage. Là, c'est la... on ne l'arrête plus. Pour rebondir sur les changements de nom, moi, j'ai un exemple qui vient en tête sur un Tales of Vita, où si tu joues la version japonaise, tu as le nom du héros, mais la localisation anglaise, ils ont changé le nom du héros. Ils l'appellent Corps Météor en traduction, mais sauf que quand ce que tu écoutes, ben, le nom, c'est pas ça. Et j'ai jamais compris pourquoi ils changeaient un nom, en fait. Pourquoi ils décident de donner un autre nom alors que dans la traduction, et tu l'entends, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe de traduction pour se dire bah, ce nom va pas, on en met un autre qui n'a rien à voir. C'est vrai que là, c'est, oui, c'est assez bizarre. Et ça arrive régulièrement dans pas mal de jeux japonais. À moins que Corps Météor, oui, non, c'est pas... Ah non, en plus, ça n'a rien à voir. Pour le coup, ça n'a absolument rien à voir. C'est... Non, je pensais plus à si c'était, par exemple, une marque existante ou quelque chose comme ça. Oui, mais c'est... Pas. Et j'ai jamais eu d'explication, on n'a jamais compris pourquoi ils ont... Localisation anglaise, ben voilà, on va changer tous les noms de tous les personnages. Mais c'est pas grave, mais ça, sauf que ça se remarque et que c'est peut-être bon. Pour les... Oh putain, j'ai retrouvé l'interview. J'ai retrouvé l'interview, les gens. Tu me fais peur. Ah, merci. Mais ouais, mais sinon, ouais, donc voilà, Nintendo avait vraiment un soin très important pour ces jeux, que ce soit donc les Zelda, Paper Mario, une excellente traduction française. Il y avait super van. Avec des vannes, mais... Super bien senti. Alors, tu fais bien de le dire, c'est vrai que les traductions Nintendo incluent énormément d'humour, hein, quand même. Et bah c'est... Des jeux de mots. Et, ouais. Et c'est là où je voulais en venir, petite belle. Ouais. Ah, bah voilà. Parce qu'il y a quand même un jeu... Je suis désolé, je prends la parole, mais il faut absolument que j'en parle. Vas-y. Ils ont sorti un jeu sur Nintendo 64, Nintendo. Ouais. Je dirais même rare. Et pas le plus connu, et qui pour moi est pourtant un des meilleurs jeux de la console. Jet Force Gemini. Ah oui, bah oui. Bien que tu le places, hein. Comme moi avec Legend of Forest. Ah, c'est... ce jeu est incroyable sur bien des aspects. Hein. Mm-hmm. Et s'il y a un truc sur lequel je n'ai toujours pas compris, c'est la traduction du jeu. C'est-à-dire que le jeu, en japonais, je ne sais pas trop. Et en anglais, le jeu, bah, on joue des personnages, donc c'est un TPS, donc avec des bah, flingues, ennemis, gros giclées de sang. Hein. D'ailleurs, c'est un jeu rare, hein, donc c'était... C'est cette espèce de second degré décalé où il y a des petits personnages qui s'appellent des nounous, hein, des petits oursons tout mignons et tout, qui peuvent se prendre une bastos perdue et exploser des hectolitres de sang, quoi. Et ce jeu-là, en anglais, par exemple, tu vas avoir des armes qui vont être classiques, quoi, tu sais, rocket launcher, minigun, ce genre de choses. Et par exemple, en français, bah, le rocket launcher, il s'est transformé en lance-croquette. Oui, oui, voilà. Les étoiles de ninja, donc les... comment ça s'appelle ? En la version anglaise, ils ont gardé Shuriken, je crois, je sais plus. Et ouais. En français, c'est devenu les étoiles de Janine. Et t'as plein d'armes comme ça. T'as la décalqueuse, t'as les œufs surprises, c'est des grenades. Enfin, les étoiles de Janine. T'as le distributeur de dragées, ou je sais plus quoi. Enfin, un gros truc qui balance des grosses pots, des gros pruneaux, quoi. Et toute la trad, elle est de ce niveau-là, en fait. C'est-à-dire, ils sont partis en mode, mais full second degré, full série B. Ouais. Ouais, ça colle. Traqué. Mais ça colle à 200% au jeu. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que la trad française, elle est meilleure que le matériel original, ouais, voilà. Presque. C'est ça, en fait. Mais là, c'est une spécificité française, là, par contre. Et ouais. Et j'ai envie de... Enfin, je ne sais même pas qui a traduit ce jeu. Et ça m'énerve, en plus, parce que... Faudrait que je finisse ce jeu pour avoir le nom sur les crédits de fin, sans doute, mais... Ah bah oui. Mais vraiment, c'est un chef-d'œuvre, cette traduction. Elle est mieux que l'original, quoi. Le méchant qui s'appelle Bizarre... Ah, je sais plus. Enfin, un nom assez pompeux en anglais, tu sais. Bah là, c'est... Tout le monde lui manque de respect dans le jeu, t'en as, ils vont dire bizarre le pourri, bizarre le dégueu, bizarre le pas beau, enfin c'est totalement gratuit, quoi, mais c'est excellent, c'est super bien fait. Voilà. Je note les étoiles de Janine, hein, quand même. Ah, les étoiles de Janine Ça va ressortir dans une planche dans pas longtemps. Les étoiles de Janine, c'est merveilleux, quoi, enfin... Alors, voilà, et ouais, et... Une traduction, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, si elle est réussie, ça sublime le jeu, quoi. C'est... Tu comprends ce qui se passe. Ça te permet déjà... Bah, après, on peut ne pas être d'accord avec toi, mais ça te permet quand même de comprendre ce qui se passe. C'est déjà un point ultra important. Si en plus, comme Imbrinator disait tout à l'heure, tu peux permettre de rajouter des petits mots de vocabulaire assez recherchés et tout. Ça permet aussi de enrichir un peu culturellement. Ça... Et des fois, bah, tu peux complètement adapter le truc comme il faut pour que ça soit hyper percutant et hyper concis. Là où on a parlé, donc, aujourd'hui, les traductions, bon, on peut dire globalement quand même que la qualité a franchement augmenté. Et ouais. Surtout aujourd'hui, lorsque la qualité n'est pas là, il y a des gros retours de bâton. Je voulais juste rapidement parler du cas Is 8, Mossa Otana, qui est sorti il y a un an et demi maintenant, qui a pris un énorme revers à sa sortie, quand les gens ont vu déjà bon, le fait que c'était très mal traduit, il y avait des erreurs de grammaire, des erreurs d'orthographe, et il y avait des choses pas traduites de manière pertinente, et en plus, les dialogues avaient tendance à se barrer en dehors des box, etc. Et sur le coup, excuse et retraduction complète du jeu. Et ça, c'est pas commun, par contre. C'est-à-dire quand même qu'aujourd'hui, oui, les joueurs, ils peuvent dire « Non, non, mais là, ça va pas. Ça va pas du tout. Ouais. » Et à côté de ça, on en parlait donc dans la série des Yakuza, donc Judgment vient de sortir sur PS4. Et là, par contre, moi, je fais un big up à Sega. La traduction de Judgment est juste parfaite. Oui. Il n'y a rien à jeter. Mais vraiment... C'est traduit et on a vu certains screenshots passer. Ouais. Je ris dans ma barbe. Il faudrait retrouver ça. Voilà, je veux dire. Après, on est passé aussi d'une industrie où c'était une personne qui développait un jeu, puis après une petite équipe, à maintenant des équipes de plusieurs centaines de personnes. Donc c'est un peu normal aussi que maintenant les trads sont sans doute aussi un peu meilleurs. Je pense que quand les développeurs ont passé des semaines à mourir pendant la période du crunch, les gros jeux AAA aujourd'hui, il n'y a plus trop de soucis. Oui. C'est rare. C'est vrai que pour Is, de ce fait-là, c'est assez bizarre. Parce que les dialogues qui dépassent, normalement, on a des contraintes à respecter en termes de longueur, comme on en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, c'est un vrai cauchemar parfois. Parce que la traduction à la base est faite, mais il faut réduire le nombre de caractères. Oui. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas encore mentionné aussi, c'est parfois les délais qui nous sont donnés qui sont totalement stupides. Ah oui, oui. Donc ça peut aussi parfois avoir un impact sur la qualité de la traite. C'est clair, mais quand tu dis stupide, c'est genre t'as une semaine pour traduire un jeu, c'est quand même pas genre complètement infaisable, des trucs qui sont... Ouais. Ou alors avoir le même délai pour un jeu qui est entre guillemets simple à traduire, alors qu'un autre va être à côté avec des... du vocabulaire moyenâgeux, des personnages qui s'expriment dans un langage où il faut quand même faire des efforts pour traduire correctement, et ils vont donner le même délai pour les deux jeux, alors que ça n'a rien à voir en termes de temps et d'investissement et de recherche et tout ça. Donc des boîtes qui ne respectent pas encore la profession de traducteur, mais là j'ai l'impression que maintenant c'est quelque chose qui est quand même vachement bien installé quand même. C'est plutôt les chefs de projet à mon avis qui font pas bien leur boulot. Ouais. Des fois. Bon, non, je vais me calmer, je vais rien dire sur les chefs de projet. On t'écoutait tous, on dépendait. Fais gaffe parce que. Disons que tout le monde ne fait pas toujours correctement son travail. Et puis bon, après, ça peut aussi être les développeurs qui fournissent les textes à traduire relativement tardivement. Et de ce fait-là, il reste peu de temps. Surtout qu'on a tellement de langues différentes en Europe que tout ça peut prendre pas mal de temps. Non, mais quand on t'entend parler, on sent que tu parles d'expérience. je pense ça, effectivement à certains projets où j'aurais bien aimé avoir plus de temps. Non, mais tu as raison de le dire, il faut que les gens sachent aussi, tu as raison de le dire. Après voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de propre, mais j'aurais probablement pu faire un peu mieux si j'avais eu un peu plus de temps. Pas forcément dans le jeu, hein. Ça m'arrive aussi assez fréquemment sur des projets plus généralistes en fait. Parfois il faut vraiment speeder et quitte, enfin voilà, une... Les délais sont importants aussi. Attends un minimum, on va dire, standard de qualité, et c'est pour ça que par exemple Nintendo, ils ont fait une interview récemment, je sais plus qui, Nintendo a dit qu'il y a moins de jeux d'aventure avec beaucoup de dialogues et ce genre de choses. C'est Miyamoto qui dit ça. C'est Miyamoto. Je suis pas d'accord avec sa vision des choses, c'est bizarre. Bah, il expliquait qu'il faisait moins ça parce que S'ils font ça, il va y avoir beaucoup de dialogues. Il va falloir absolument traduire dans plein de langues maintenant, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, et oui, du coup, ça a un coût. Alors, je sais pas, moi je suis pas dans l'industrie, mais tu pourrais peut-être me dire, toi, Hybridator, mais ça a un coût assez élevé. Et ils peuvent plus le faire. C'est pas qu'ils peuvent plus le faire, c'est qu'ils vont le faire beaucoup moins souvent qu'avant. Ouais, quand ils parlent de jeux d'aventure, ils parlent de visual novel, ils parlent de Layton, ils parlent de Phoenix Wright, en fait. Je dirais que ça dépend un peu du studio aussi. Si c'est un petit studio, ça peut représenter un coût Nintendo, là. Qui est relativement important. Mais un gros studio comme ça, quand on voit tout ce qui claque dans la pub et dans le marketing, ouais, la trad à côté de ça, c'est rien. Et c'est... puis, il parle de jeux vraiment spécifiques. Quand il dit jeux d'aventure, il y a aussi peut-être un truc à prendre en considération, c'est que maintenant, en fait, les jeux, ils sortent partout en même temps, en fait. C'est plus comme avant, ça sort aux... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une sortie simultanée, ouais. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils essaient aussi de limiter, en tout cas peut-être pour Nintendo. Hein, c'est peut-être... Après moi je sais pas, je lisais l'interview, je me dis tiens. Ouais mais c'est Miyamoto qui a... Parler dans la traduction de Nintendo, quand j'ai parlé de Yo-Kai Watch tout à l'heure, je voulais continuer sur Level 5 rapidement, les professeurs Layton ont bénéficié de fabuleuses traductions, vraiment. Les 6 épisodes, il n'y a rien à jeter. Je les ai terminés les 6 à 100%. C'était nickel de bout en bout. Et notamment, tu disais tout à l'heure Paper Mario, il y a aussi la série qu'on continue encore aujourd'hui, Mario et Luigi. Oui, pareil. Ah, ouais. La série Mario et Luigi, c'est impeccable, vraiment. Et Urist donc parlait aussi dans le chat donc, de Phoenix Wright, où là, par contre, pour s'attendre, ils ont fait des choix. Voilà. Comme tu dis, le coup de l'accent marseillais, parce qu'un personnage parle avec un fort accent japonais et que sur le coup... Ben, c'est quand même très compliqué de... Après, moi, c'est vrai que... Je comprends leur logique, moi. Je connais pas la VF. Je comprends la logique, en fait. Mais c'était pareil, je disais dans le chat, mais c'est pareil avec Kero dans Cardcaptor Sakura. Ils le font parler avec des expressions de Marseille, parce que apparemment le personnage vient d'une région... Enfin, parle avec l'accent d'une région... Donc oui, je confirme, c'est chantante vraiment ça, au Japon, dans Phoenix Wright, il y a vraiment des persos qui parlaient avec des mots du sud-est, d'un accent de peu cher... Comme ça. Et c'était. Je pas ça. Voilà. C'est pour ça que la traduction française, la traduction française de Phoenix Wright était bonne, mais elle n'était pas, comme on l'a dit, c'était une adaptation plus qu'une traduction stricte. Mmh. Et c'est vrai qu'à l'époque, les gens ils ont dit ouais, mais non, parce qu'on va y aller en japonais. Bah c'est ça. Et j'ai déjà vu l'inverse pour les trads de Witcher. Enfin pas les trads, mais les doublages. Certains disaient oui, je préfère y jouer en VO parce que en VO il y a des différents accents qu'on retrouve pas en français, machin. Bah, le doublage français de The Witcher est un doublage exceptionnel. Bah oui, non mais c'est parce ça, c'est pour doublage. Ça. C'est s'il y a toujours des râleurs pour. Le doublage français, on pense à un jeu où ils avaient doublé un colonel avec l'accent marseillais. Oui. Ah bah oui. Et je me rappelle plus du jeu. Si c'est si. C'est un jeu Sega en fait. Je vais te leur Binary Domain. Binary Domain. Qui est un très bon jeu au demeurant, qui est un excellent jeu au demeurant. Mais le doublage marseillais, personne s'en est remis. Hein. Mais il y a une Dynasty Warrior aussi fait comme ça, il me semble. Oui, oui, oui. Ah bon avec un accent marseillais, oui, oui. Oui, oui. Ouais, ouais. Attends, c'était un sur PS2, je crois. Oui, c'est le Dynasty Warriors 3. Les personnages ont tous l'accent marseillais. Waouh. Oh, mais quel. Dynasty Warriors 3, quoi, t'imagines? C'est, vu le contexte historique, c'est vraiment très pertinent pour le coup. La Chine. Imagine après avec l'accent ch'ti. Putain, je pense qu'on se sent. Je pense qu'Hybridator et moi, on aura un petit kill. Mais d'un autre côté, s'ils avaient doublé avec un accent asiat forcé, enfin imité, ça aurait été vraiment totalement ridicule aussi. Ah oui, là, ça marchait pas parce que c'est pas. Pas cohérent. Mais. Quand en japonais, moi je trouve que dans la version originale, il y a un personnage qui a un accent dans sa langue d'origine, et bah dans le doublage, je trouve ça plutôt bien de mettre un autre accent à ce personnage, quoi. L'accent marseillais ou l'accent, je sais pas, du nord, je sais pas, mais je trouve ça cohérent en fait, moi. C'est un peu comme dans les doublages de séries. Regarde dans les Simpsons où il est le jardinier, il y a vraiment une voix vraiment même en français, ce qui est vraiment caractéristique. Tu dis Willy, voilà, c'est mon perso préféré. Là, il y a quelque chose, il y a forcément un accent derrière. Après, il faut voir aussi si on a un contexte géographique dans le jeu. Parce que si par exemple on dit que le personnage est irlandais et qu'on lui claque un accent marseillais, bah là pour le coup, c'est pas. Oui, non, mais bien sûr, faut un accent qui a un rapport avec la choucroute un peu quand même, mais. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Okay. Voilà. Bon, sur le coup, il est 23h10. Je pense que nous allons clore ce grand sujet principal. Pour laisser Pelle nous présenter un jeu quand même, on va faire un peu de rallonge. Voilà, monsieur Chou. Je voulais remercier Brunator. Le chat est en délire. Ah ben en plus, j'ai fait un. Mon Regarde, assistante j'ai qui a snobé le podcast attrape son casque pour écouter Pelle parler. Oh, oui, non. Complètement, c'est ça que vous allez entendre. Là, j'ai fait une spéciale pour Pelle en plus, une spéciale dégueulasse. Alors, il y aura que les gens qui regardent le stream qui la verront moins, mais voilà. Vous verrez ce que j'ai fait comme connerie. Donc, allons-y. La foule en délire. Je t'en prie. Tu peux faire la pom-pom girl, s'il te plaît. Mais ça clignote pas. Ah merde. Non, mais alors, bah, tant pis. Spécial, arrêtez de me foutre la pression comme ça. C'est désagréable. Moi, je... Ça clignote pas. On repousse, hein, l'heure est passée. Non, mais c'est bon. Attends, je me suis cassé le cul à changer le layout pour toi. C'est bon. Oh merde. Un petit rose dégueulasse dégradé qui était censé tourner en couleur mais qui tourne pas en couleur, c'est bon. Un effet spécial mais inédit. Ah oui, voilà, la production value du podcast elle est montée en flèche là. On affiche le chat, on fait de la merde. C'est mon jeu. Voilà, je voulais vous parler d'un jeu Saturn. Voilà, on en parlait tout à l'heure, Beyond. Mais non, c'est moi le jeu Saturn. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais il est pas bien. Le jeu Saturn, non mais j'aime beaucoup ce jeu là. Et en plus, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Ah bah vas-y, on t'écoute alors. Ouais, ouais. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, c'est Shinobi X Beyond. Oh, un jeu coquin. Non, pas du tout coquin. Alors Shinobi X, c'est son nom en Europe, hein, parce qu'il est sorti au Japon sous le nom de Shin Shinobi Den, et aux États-Unis sous le nom de Shinobi Legion, ou Legions. Hein. Donc c'est sorti en 95, et il avait déjà, il a plusieurs particularités déjà. Donc déjà le jeu, c'est une série, donc c'est fait partie de la série des Shinobi. Hein. Le dernier, c'était Shinobi 3 sur Mega Drive. Et il fait la suite directe, mais pas scénaristiquement, parce qu'on coupe déjà la série avec. On change de personnage. C'est plus. Comment il s'appelait? C'est George Musashi hein, qui était le personnage. George Musashi, c'est comme George Moustaki, mais au Japon. Ouais, c'est ça. Et maintenant, on dirige Sho. Voilà quoi. Alors là, Cacao. Voilà, Sho et Cacao. Alors la première particularité, c'est que tout le jeu est fait en digitalisation. Voilà. Alors ça peut choquer, ça peut. Moi, j'étais pas très fan hein, de tous ces jeux digitaux à l'époque, comme enfin digitalisé, comme les Mortal Kombat, tout ça, ça rendait pas super bien, je trouve. Enfin, toi, t'aimais bien ça, toi, Beyond ? Non, du tout. Ça dépendait vraiment des jeux. Parce que par exemple, dans Mortal Kombat, je trouve que ça passait parce que t'avais ce côté un peu parodie. Voilà, c'est ça. C'était vraiment la limite, en fait, les Mortal Kombat. Mais j'étais vraiment pas fan du genre. Mais vous plaignez pas, vous avez jamais joué à Pit Fighter. Ah bah, oui, bah voilà, bah, tu vois, ça c'est l'exemple parfait du jeu complètement foiré, quand même. Kazumi Ninja pardon, j'arrête de dire des gros mots. mais là, c'était vraiment réussi. Tu vois? Il y avait des animations suffisamment fluides et un personnage très réactif dans la maniabilité. Du coup, c'était vraiment agréable à jouer. Avant même de parler de la digitalisation des personnages en gameplay, il y avait déjà des séquences d'introduction et le jeu d'affilée. Ah ouais, non, mais voilà. Ouais, voilà. Alors, la légende. Non, mais c'est ça. En fait, tu avais l'intro qui était faite comme un. Des feuilletons japonais de l'époque, hein, les Sengoku ou les Jiraiya Ninja, hein, qui passaient en plus dans le Club Dorothée au même moment, je pense, c'était les années 90, quoi. Et du coup, ça faisait complètement référence à ça. Et alors, ça faisait très parodique, même à l'époque, hein, quand même, hein, mais c'était assumé, complètement assumé. Et ça fonctionnait vraiment, vraiment bien, quoi. Ah oui, pour le coup, ils s'en sont jamais cachés. Oui, clairement. Hein. Et oui, on suit l'aventure vraiment, vraiment. C'est sympa à jouer, quoi. Alors, je disais que le personnage était beaucoup plus réactif et plus maniable, plus rapide que dans les jeux précédents. Et en plus, c'était beaucoup plus joué au corps à corps, en fait. Dans les anciens Shinobi, on lançait plus de shuriken qu'on tapait les personnages au katana, c'est à bout portant, en fait. Alors que là, il fallait vraiment taper l'ennemi à proximité. Le shuriken était secondaire presque. Ça devenait presque un beat'em all. Plus beat'em all, alors que les précédents étaient plus presque un run and gun. Quoi. Tu sais, tu t'avances, tu shoot, tu jettes tes shurikens à l'infini. Quoi. et à noter aussi la présence de niveaux verticaux. Ouais, des niveaux verticaux dans la forêt, hein. Je crois que c'était le niveau 2. Ouais. Justement, ouais, faut grimper. Et ça joue super bien, quoi. Ouais. Alors, particularité quand même de la série, et que lui ne déroge pas à la règle, c'est quand même des jeux assez difficiles. Et celui-là, je le trouve même plus difficile que les précédents. Je crois que tu l'avais fait, ça, Vision, dans l'épisode, hein, de toute façon. C'est pas gentil, mais Shinobi est pas gentil spécialement. Hein. Mais je trouve que Shinobi, lequel tu parles du jeu d'arcade ou le Shinobi d'arcade, même les épisodes Mega Drive. Je trouve les jeux Mega Drive vraiment plus accessibles. Ouais, d'accord. J'ai vraiment eu du mal, au point même qu'il y avait un cheat code, chose qui n'existe plus maintenant, pour sélectionner les niveaux, hein, dans le cheat code. Shinobi. C'est quoi ? Eh ouais, cheat code. Donc voilà quoi. Alors une autre petite particularité du jeu, c'est qu'on a été les derniers servis dans le monde. Et donc on a mangé froid. On a mangé froid. Et tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi il a pris du retard ? Parce que le producteur de Sega Europe avait voulu changer la musique. Il aimait pas la musique du jeu d'origine en fait. Il l'a dit, hein. Il aimait pas. Le mec carrément il a dit il a dit il aimait pas la musique d'origine, du coup il a demandé à quelqu'un de lui refaire la musique, et la personne qui a refait la musique de la version européenne, c'est la compagnie c'est Richard Jacques. Alors, vous dites mais qui c'est ce mec là pardon non mais tu peux rien parce que son nom est peut-être pas connu, je le connais très bien, hein. Ah oui, d'accord, ouais, il a quand même fait les musiques de MSR. Putain, en parlant de Richard Jacques, je me rends compte que j'ai oublié de parler d'un truc super important. Vas-y, Pelle. Il a fait Jet Set Radio. Voilà, c'est ça, Jet Set Radio. Et il a fait surtout... Oui. Sonic R. Sonic R. Ah, c'est... Ah, bah c'est un génie. Donc c'est un génie. Tu vois, les musiques sont... En fait, le producteur voulait des musiques qui étaient plus proches de ce qu'avait fait Yuzo Koshiro, en fait, dans les épisodes précédents. Enfin, dans l'épisode Revenge of Shinobi, surtout. Parce que c'est ça qui... Ah, c'était plus proche. Ouais. Et du coup, il en a fait des musiques très, très japonisantes, en fait. Hein. Du coup, ça, c'est assez cohérent dans l'univers. Mais moi, qui ai découvert le jeu avec la version japonaise, je peux pas m'empêcher que c'est celle-ci que je préfère. C'est vraiment la première, quoi. De manière générale, la version européenne est considérée comme la meilleure quand même, parce que la nouvelle soundtrack européenne est préférée de manière générale par les gens. Après, tu trouves ? Après, pour Sonic, oui, par exemple, je suis bien content qu'on ait eu les versions japonaises en Europe et pas les versions américaines Sonic CD qui sont, j'aime moins. Quoi. Sonic CD, ouais, c'est carrément le même principe. Juste un dernier mot sur le fameux dans Richard Jacques, on le retrouve il n'y a pas si longtemps que ça sur Sonic Génération quand même. Alors, les musiques de Sonic Génération, je m'en souviens. C'est peut-être pas un bon signe, mais pas un mauvais signe non plus. C'était pas nul, c'était pas. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est un jeu que moi j'aime beaucoup. Alors je préfère quand même la version japonaise, mais à cause du fait que c'est celle-ci que j'ai découvert, Beyond. Mais il faudrait que je réécoute les versions. À noter que le jeu a été développé par Toze. T-O-S-E, Toze. En bref. À qui on doit également sur Saturn l'adaptation de Layer Section 2 aka Highstorm, la suite du premier, c'est-à-dire le Galactic Attack en Europe, Layer Section. Oui. Et on leur doit également les deux Dragon Ball sur Saturn. C'est eux qui les ont développés. Alors le Shin... Les deux. Oui. Le Shin Butoden et le Densetsu, les deux. D'accord, ok. Alors, le Shin Butoden qui est déjà un excellent jeu, c'est ce jeu-là moi qui m'avait fait acheter la Saturn. Voilà. Pour le Shin Butoden de Dragon Ball. Donc voilà, moi je voulais parler de ce jeu-là. Un jeu, alors, je crois pas qu'il cote énormément. Merde. Ah, mais je pensais qu'il cotait pas. En termes de collection, là, on est. C'est très très violent parce que quand. Mais c'est pas violent, c'est sérieux. Si. Quand quand j'ai voulu acheter une. Enfin, quand j'ai acheté ma Saturn, donc c'est il y a pas très longtemps, hein, c'était il y a 2 ou 3 ans, et je cherchais du coup les jeux qu'il fallait, quoi. Et il en faisait partie. Et ouais. Ouais, j'ai fait non, bah non, j'ai fait non. Ah oui, non, mais alors je reviens à ce que j'ai dit aussi, c'est que moi j'ai pris la version japonaise. Hein. Du coup, c'est peut-être. Donc la version Jap se négocie dans les, on va dire, une cinquantaine, un peu moins de 50 euros frais de port inclus, ce qui est pas mal pour un jeu Saturn déjà. Ce qui est quand même pas mal. Ouais, hein. Ouais. La version PAL, on est sur une centaine d'euros complet en très bon état. Minimum. Ah oui, d'accord, ok. Centaine d'euros. Ouais, bah, quand c'est même pas, ouais, c'est pas encore dans les plus inaccessibles jeux Saturn. Tu sais. Ouais, mais ça reste, c'est pas le même. Mais de toute façon, on le sait, dès qu'il y a un jeu Saturn qui ressemble de près ou de loin à une exclusivité, ouais. La cote finit par monter à un moment ou à l'autre. Mais comme je te dis, ok. J'avais découvert la version japonaise, et donc c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer, vraiment très très agréable. Assez difficile, pas énormément de niveaux dans mes souvenirs, donc je le relance là, mais vraiment bien. Et puis c'était le jeu qui était un petit peu moqué hein, quand même à l'époque, parce que la série Shinobi c'était un petit peu l'excellence technique hein, quand même, hein, c'était à chaque fois. C'était... Ah, bah, les gens n'ont pas compris les cinématiques déjà. Ouais, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que les cinématiques donnaient cet aspect très vieillot, très kitsch. C'est ça, ça dénote vraiment l'aspect très technique. Du jeu par à contre, la base. Ça rendait mais... un peu hommage à Segata Sanshiro, les cinématiques, comme je trouve, moi. Ça avait ce petit côté. Oui, il y a un peu de ça. C'est vrai. Ah, autant à la limite, avec Segata Sanshiro, tu sens le côté plus que parodique, tandis que là, c'est le côté plus sérieux. Ah, vous pensez que c'était en mode serious business, ces cinématiques-là? Non. Je pense que non. Après, pense pas. Je pense pas. Mais après, ouais. Comment c'est fait, si tu le prends en sérieux, il y a moyen que tu passes un très mauvais moment, oui. Bah, je sais pas. Même en prenant sérieusement, je trouve en premier degré ou en second degré, le jeu reste vraiment cool à faire. Hein. C'est, moi, j'ai vraiment. Je vais pas dire que j'ai vraiment pas aimé. C'est juste, pour moi, c'est un mindfuck géant, quoi. Les cinématiques, pour moi, les apportent absolument rien à part. Ça apportait la Saturne. Ouais. C'est la Saturne, regardez. Parce qu'après, même. Je me rappelle que dans celui d'avant, on combattait Godzilla, Spider-Man. Celui juste d'avant. Ouais, c'est celui d'avant. Mais... Même si dans cet épisode-là, on peut se dire qu'il y a un petit peu de raideur apporté par le côté des personnages digitalisés, Shinobi n'a jamais été non plus un modèle de souplesse en termes du personnage principal. Ça a toujours été un jeu qui est. Tu parles dans l'animabilité ou dans l'animation? Dans tout. Enfin, les sensations de déplacement et de tout ça. Pas tant que ça. Parce que. Ouais, parce que dans les digitalisations, il y a quand même une décomposition qui n'était pas vilaine hein, dans Shinobi X, hein, je trouve. Hein. Tu vois, alors, il est très rapide, donc il y a forcément des saccades et des coupures hein, d'animation, mais ça reste quand même assez souple, je trouve. Beaucoup plus mais que. Encore une fois, il est sorti à une époque où les personnages digitalisés, ça a fait rêver un moment, mais pas longtemps. Oui, voilà. Et en face, il y avait l'autre jeu avec des digitalisations. T'en souviens, c'est Street Fighter The Movie, quoi. Oui. Bon, après, là, on n'est pas bien. Totalement pas. Après, la mode, c'était les FMV. Le problème, surtout de ce Shinobi, c'est que la 3D, elle est rapidement arrivée pour remplacer les persos digitalisés. Quoi. Donc, oui, aussi, oui. Ouais, c'est vrai. À un moment donné où tout le monde regardait vers la 3D, t'as ce jeu qui sort un peu de nulle part et bon. Ouais, mais c'est vrai. Et du coup, bah, c'est clair que ces jeux digitalisés, là, c'est un genre qui a complètement disparu. Même les Mortal Kombat, ils ont abandonné très vite leur. Il y a un jeu à la con qui est sorti, enfin à la con, c'est peut-être un peu méchant ce que je dis là, qui est sorti il y a pas longtemps là. Avec où les persos c'est Benzaï, le joueur du grenier. Ah oui, c'est Spade Dobby, bah ouais. Comment il s'appelle Fury. Fist of Fury. Ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça. Bon, mais c'est volontairement. Dites-vous que c'est eux qui s'occupent de Street of Rage 4. Hein. Bah, c'est ça, c'est. Ça me laisse pensif quand même. Je pense pas que ce soit Fist of Fury, parce que c'est la fureur de vaincre, c'est Bruce Lee. Bah, ouais. Je sais pas. Je sais plus comment ça s'appelait. Fury, Kung Fury, non, Kung Fury, c'est encore. C'est encore autre chose. Kung Fury, c'est Streets of Fury. Streets of Fury. C'est Streets of Fury. Ouais. Donc, oui, ça, effectivement, ouais, ça reprend le système de digitalisation. Alors, il s'assemblait plutôt réussi en plus dans le genre. Quoi. Et dans le côté. Mais parce que là, c'était totalement assumé second degré, quoi. Ah, oui, bah. 200% second degré, Streets of Fury. Donc. Ouais. Sauf qu'à l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, c'était pour montrer le côté technique de la chose. Enfin, voilà. Donc, bah, merci à toi, monsieur. Merci bien. Sur le coup, voilà. Je peux juste revenir vite fait sur un petit truc parce que je vous avais parlé. Ça fait pile deux heures qu'on a commencé. Non, mais c'est pas long, c'est pas long. Vas-y, vas-y, pardon. Parce que je parlais de référence tout à l'heure à la Cité de la Peur, mais justement, pour revenir sur Pokémon, parce que c'était ça à la base que je voulais dire. L'antagoniste principal du jeu, il s'appelle Régis. Et c'est totalement parce que Régis est un con. Mais vraiment, c'est ça l'explication. Et voilà. Et j'avais fait, parce que j'en avais parlé là quand j'avais commencé mon petit stream sur Let's Go. Je te donne le choix cette fois. Donc je l'appelais Régis parce que c'est vraiment, c'est Régis, c'est un con. Voilà. Ouais, ouais. Ah, mais j'avais jamais fait attention. Tu viens de me faire ma soirée. Ouais. Et c'est vraiment un con en plus hein, dans le jeu. Putain. Ouais. J'imagine rappeler Serge Karamazov, quoi. Ça aurait été fou. Bon, bah voilà. Hein. Ok. Merci pour ce moment. Ouais. Mais moi, je vous conseille d'y jouer, mais bon, bah, il coûte cher, c'est chiant, quoi. Je sais pas s'il est correctement émulé, je m'y connais pas assez en émulation Saturne, malheureusement. Non, en plus, c'est l'émulation Saturne, donc c'est. Essayez d'y jouer. Bon, après, on peut swapper pour jouer à des copies sur Saturne quand on n'a pas trop bientôt, peur, bientôt le projet Saturne. Ouais, et bientôt, Prof. Toka Brasil va arriver avec. Bon, c'est bon. Ouais. Ah, faudra quand même une Saturne, mais. Bon, ça va. Bon, sur ces bonnes paroles, nous allons chaleureusement remercier notre invité. Ben oui, merci à vous. M. Ibrinator, d'avoir été présent, de nous apporter à nous éclairer notre lanterne. J'ai probablement oublié des choses, j'ai probablement été subjectif. C'est... Non, mais voilà. C'était très bien. On est c'est exactement le but du podcast, c'est d'être subjectif. Non exhaustif. Non exhaustif. D'asséner nos vérités à nous. De dire ce qu'on veut, voilà. Voilà. Sur un Discord, on m'a appelé Oublinator il n'y a pas très longtemps. Donc c'est possible. C'est très joli. Ouais. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Ah, et comme le dit Super Gorette, il ne faut pas oublier que les chefs de projet sont des connards. Voilà. Ah, c'est terrible. Je laisse la responsabilité à Super Gorette de ces mots. Ah bon, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Moi, c'est écrit dans le chat. Moi, j'ai rien vu. Je suis pas là. Ça. Ensuite, ouais. On remercie le chat d'avoir été présent et d'avoir participé. Oui. Merci c'est gentil, ça fait plaisir. Une œuvre d'été aussi tardive. Il fait bon, ouvrez les fenêtres, là, c'est bon. Et sur le coup, un petit coucou aux gens qui vont nous écouter sur YouTube. Pause bleu à la cloche. Et est-ce que vous avez pensé jouer à Dr Mario? Un jeu gratuit sur mobile. Arrête, on va avoir des problèmes. On va en parler en anglais. J'ai pas passé un bon moment. On va avoir des problèmes, je crois. Non, par contre, ailleurs est là, donc sur le coup, je parle plutôt. Il y a Konami qui a sorti un petit jeu de Picross sur mobile, où il y a à peu près 500 Picross à résoudre dessus. Oh la vache. Ah oui, qui ailleurs a tout à l'heure. Et donc sur le coup, voilà, apparemment c'est bien fait, c'est rigolo, il y a plein de personnages de l'univers Konami. Il vaut mieux jouer au stylet apparemment, surtout quand on est-ce qu'il y a les fesses de Snake dans ce jeu? Et oui, d'ailleurs, soit dit en passant, j'ai lu passer un petit tweet de l'ami Antistar concernant Dr Mario, comme concernant ce jeu de Picross, le stylet offert avec Mario Maker 2 marche à merveille sur vos smartphones et autres tablettes. Ah oui, c'est fait pour ces jeux-là. Ah bah c'est super stylé. C'est fait pour. Mais en vrai, ça existe déjà, hein, ces genres de stylés. Juste un skin Mario, quoi, c'est cool. Bon, voilà. Donc, on profiterait pour des trucs basiques, mais des bisous à famille proche et amis proches. Et aussi, des encouragements à des streamers qui sont passés par le chat, là, et qui font du bon boulot. Et, enfin, voilà. C'est très gentil à toi. Voilà. Voilà, ça y est. Tu peux les nommer si tu veux, il n'y a pas de problème. Non, mais non, c'est bah là, mais c'est remerciement, ça y est, je crois, comme chez Mémé, là, tranquille. Tu peux mettre les pieds sur la table. Tu peux même, techniquement, tu peux même dire bonjour maman, si tu veux. D'accord. Allez-y. Dites tous bonjour maman. Bonjour maman. Tu reprendras peut-être un jour Masters of System, qui sait. Oh, c'est pas moi qui l'ai dit. Je suis méchant. On va mieux de la fermer, mais bref. Oui. Merci, Kinator. Vous êtes toujours les bienvenus, on le rappelle, sur le Discord du podcast du collectionneur, dont Moa va taper la commande puisque je ne m'en souviens toujours pas au bout de 61 épisodes. Venez, je vous accueillerai avec de la compagnie créole. Beyond Meilleur Modo, n'oubliez pas. Et merci. Et sur ce, on souhaitait bon vent, bonne nuit. Et des bisous. Et à bientôt pour un autre sujet, on ne sait pas trop, cet été. Voilà. Oui, un jour. Voilà. Oui, à créer des bisous. Allez, bonne nuit. Des bisous. Et toi, tu pues.